sa fille. Et tout ça sans pisser, ni manger, ni dormir. Il n'y a pas de doute, ce serait celle de Michael et sa bande de terroristes. Michael, 21h minuit, bien plus improbable qu'une journée de Jack Bauer. C'est pas vrai. Quoi? Victoire de Paris. Oh. Paris. Ah non, mais attends. Magique. Attends. 4-1. Mais on les attend même plus leur victoire. Hein. Même quand ils gagnent, on s'en fout maintenant. C'est je vais tempérer. Je vais tempérer un peu. Ouais, c'est pas une victoire de Paris, c'est une défaite de Sofo. C'est surtout ça. C'est les deux, mais putain, Sofo. Ils sont pas blessés. Ah non, mais l'entraîneur de Sochaux, il a dit bon, surtout que le PSG ne prenne pas ce match comme un match référence, hein, parce que nous, on n'était pas là. D'accord, okay, très bien. C'est une catastrophe. Oh, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, c'est pas grave. Parce que moi, j'ai pas vu le match, mais je me suis dit, ça y est, ils sont enfin réveillés, putain, bah non. Ça y est, ils ont assez d'argent pour acheter un match. Ouais. si on veut continuer à les tailler, on peut dire que normalement, hein, il devait y avoir 8-1 là, sur ce match-là. Ah ouais? Bon, ouais. Bah, très bien. On verra au match prochain face à Nice, je crois. Nice, très bien. On verra. De Paris dans le match. Waouh, 4 entrées, c'est dommage. Hein. 8 cadrés. Ouais, c'est malheureux. Bon, que tout le monde se rassure hein, par rapport à vendredi quand j'ai pris le truc, l'expression du jour en pleine gueule là, avec Micha. Oh. Ça va, la trace est partie. Oui, on s'en doute. Non, enfin bon, les photos sont sur michael.fr pour aller voir, hein, mais la trace est partie. Hein, et la vidéo? Ah, je ne sais pas. Au moment où j'étais voir, il n'y était pas encore. Maintenant, peut-être. Elle est-tu ou pas, Pablo? La vidéo du terroriste Micha là quand il a envoyé elle transfère mon cul, ouais, elle transfère rien, je vous passe. Ouais, wow, voilà, donc elle n'est pas faite du tout, donc voilà, ne soyez pas trop pressés, on va dire ça comme ça. Bon, Sandro va bien? Ça va. Passe un bon week-end. Oui, tranquille. Oui, tranquille, très bien, tant mieux, toi aussi. Bah écoute, non, je suis dégoûté. Pourquoi? Bah il y a Virginie Guillaume qui devait venir ce soir, elle vient pas. Guillaume, oui, elle vient voilà. Pas. Bah dégoûté. Ouais, je suis bien, ouais. Elle dégoûté, j'avais acheté des fleurs et tout, je suis dégoûté. Ah ouais, putain, ah ouais, c'est. Non, mais non, il devait faire une chanson avec la rose dans la bouche. Ouais, je suis venu avec ma guitare et tout, moi j'étais prêt. Oh, mais c'est reporté. C'est reporté, ça va, elle va revenir là, dans le courant de la semaine, normalement, on vous tiendra au courant, il n'y a pas de problème. Vous répétez ta sérénade ou pas? Bien sûr, il est bien taquet. C'est ça, en plus, il a même pas baisé ce week-end pour ça. Bah ouais, c'est ça, moi j'étais prêt à lui repeindre l'intérieur là. Oh, bonsoir, quelle horreur. Ah, bah, viendra pas, c'est sûr. Quelle horreur. Bon, le rouge, pose pas la question s'il a passé un bon week-end. Ça va, ouais. T'en as profité pour te bourrer la gueule ou pas? Non, j'avais fait ça la veille donc. Ah bon, ça va, il avait essayé de se déprimer, autant se bourrer avant. Bah ouais, bah voilà, et donc il avait prévu un petit peu donc ça va. Bon, ce soir, on est là comme d'habitude jusqu'à minuit avec du son QS évidemment qu'on vous fera péter tout à l'heure. Il y aura Owl City aussi, on passera à Michael Bublé, il y aura Vivi Brown aussi. Stromae avec Alors on danse. Et puis si vous avez des propositions à faire, eh ben, n'hésitez pas. Et venez aussi sur le groupe Facebook. On est plus de 45 000 maintenant. Presque 46 000 d'ailleurs. Venez comme Gauthier, Aubry, Vincent, Roberto, Joël. Il y a qui encore? Angélique. Il y a Julia, Laetitia et tous les autres. Hein, michael.fr. Cliquez sur la communauté et puis vous viendrez comme ça nous rejoindre sur le groupe Facebook ou même sur le Twitter de l'émission. On parlera aussi tout à l'heure d'un sondage sur lequel on est tombé, en fait, sur les femmes qui sont tentées par la chirurgie esthétique mais qui ne le font pas. Ouais, c'est envie mais non. Voilà, c'est ça. Alors, je vais donner en plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Il y a une meuf sur deux qui envisage la chirurgie ou la médecine esthétique. Ouais. Voilà, ça c'est dans le sondage évidemment dans lequel elle est tombée. Donc ça veut dire qu'une femme sur deux se trouve pas belle. Il y a une femme qui voudrait s'améliorer. Mais déjà une femme sur deux, je trouve que c'est pas beaucoup. Bah pourquoi? Parce que quand t'écoutes les meufs, elles ont toujours un truc dont elles sont pas contentes. Surtout comparé au nombre de tons qu'il y a sur la planète. Oui, c'est surtout comparé à chaque fois que tu leur dis un truc gentil quand tu fais un chiffre être. Oui, mais non, ça arrive. Quoi. Ouais, ça arrive, c'est ça. Ouais. Non, je suis sûr que je suis à plus de 50% de trucs. Ouais, c'est ça. Et donc une femme sur deux voudrait se faire refaire quelque chose. Et toi, Sandro? Ouais, il y a toujours un truc à faire. Quoi? J'aimerais bien faire monter un peu mon nez en trompette. Comme Michael, ouais. Non, mais non, pas Michael. Tu veux faire grossir les seins? Non, pas les seins. Ils auront besoin d'être remontés à un certain moment. Bah, à un moment, on se remet des équerres. Oui, mais comme toutes les filles, quoi. Voilà, une petite liposuction, je dirais pas non. Oui, mais ça tu peux y arriver toute seule. De la muscu, ouais. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ouais, il y a des travaux quoi. Il y a des travaux, ouais. Budget 25 000 euros à peu près. Ah ouais, à peu près, ouais. Et donc c'est bien parce que sur une femme sur deux donc, hein, qui voudrait faire la chirurgie, 6% seulement ont déjà fait la chirurgie. Donc tu vois, beaucoup de blabla encore une fois, ouais. C'est pas grand chose qui arrive sur Terre. Hein non, non, en France. Ah, en France, ouais. Ça coûte cher. Sans femme, ils ont fait le truc, mais en même temps, ça coûte cher et puis ça fait peur. Ça coûte cher, ouais. Ouais, ouais. Non, ça c'est vrai. Et puis, je vous donnerai tout à l'heure aussi les détails au niveau du corps que les meufs préféreraient changer, le bide, le vent, les fesses, les hanches, etc. Donc, je vous dirai à peu près comment ça se passe. La gueule. Dites-nous, vous, la gueule aussi, ça peut arriver. Dites-nous, vous aussi, si vous êtes une fille, qu'est-ce que vous changeriez chez vous ou si vous avez déjà changé quelque chose. 612, débutez votre message par énergie ou vous appelez Micha au 0800 70 42 48. C'est vraiment un truc de meuf, ça. Bah, non, non, non, il y a des mecs aussi. Il ouais, hein, y a beaucoup. Non, non, attends, il y a beaucoup de mecs qui voudraient changer. Moi, j'aimerais bien connaître le nombre de nanas et de mecs qui veulent se faire refaire quelque chose. Je pense que le nombre de nanas, c'est beaucoup plus élevé. Oui, évidemment. Non, ça, bien sûr, ça, bien sûr. Tu ferais changer quoi, toi, Roux? Rien. Oh, toi, t'es parfait. Non, non, non, c'est pas que je suis parfait, mais j'aime pas. T'enlèverais pas le poireau, là? Non, non, je. Non, non. On resterait le poireau, top. Je me démusclerais un peu. Wow ouais. Parce que c'est vrai que j'ai atteint un niveau un peu. Un niveau de graisse, hein, pas de muscle, ouais. De graisse. Moi, je rallongerais le nez un peu encore. Ouais. Bah écoute, pourquoi pas. C'est une idée comme une autre. Bon, bref, donnez-nous vos avis, les mecs, les filles. Là, 612, débuté par énergie, vous laissez votre numéro. Ou alors sur le groupe Facebook et Twitter, mikael.fr, cliquez sur la communauté pour venir nous donner vos avis. Voilà. Et puis, on va écouter le répondeur aussi, hein, comme tous les soirs. 0140 71 3400. Écoutons les messages que vous avez laissés depuis ce week-end. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Et bonsoir tout le monde, c'est un message pour tous les auditeurs. Franchement là, je commence à en avoir marre, vous faites que des messages avec de la merde dedans. Ah non, bah, c'est pas nous. On gagne, le but n'est pas forcément de gagner. Fin du message. Ah, message suivant. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Pourquoi monsieur A, il n'est pas passé au polo show de jeudi? C'est quoi ce délire? On l'attend que lui à la fin du polo show et là, il passe pas? On va peut-être se calmer un petit peu, hein. On veut monsieur A à la fin du polo show, et puis voilà. Fin du message. Message suivant. Ouais, salut toute l'équipe. Alors en fait, c'est Walt Disney qui a licencié Blanche-Neige, parce qu'il a retrouvé les jambes écartées sur le visage de Pinocchio, et qui criait « Dis des mensonges, dis des mensonges !» Voilà, bye, ciao. Fin du message. Message suivant. Salut à tous, c'est Bilou du 6-2. Voilà, j'ai un scoop pour vous. On parle actuellement beaucoup de football. Eh bien, sachez que Thierry Henry aurait assuré plus cher sa main gauche que ses jambes. Car sans sa main gauche, il ne peut pas marquer de but. Voilà, salut. Fin du message. C'était particulièrement mauvais, celui-là. Je voulais grandement féliciter notre président Nicolas Sarkozy de s'être rendu sur les lieux des inondations. D'autant plus qu'il a été vachement courageux parce qu'il n'avait pas forcément pied partout. Fin des nouveaux messages. Oh, le dernier. Le dernier, allez, ouais, qui t'en choisira. Hein. Ouais, qui t'en choisira, on t'en prend le dernier. Michel, dernier. Bien. Très bien. Parfait. Bah, parfait. Bon, voilà, on fait gagner le dernier. Les autres, n'hésitez pas encore. 01 40 71 3400. Dans un instant, j'aurai une surprise également. Ah, c'est... Musical. Ah, enfin, musical. Le son de la cave. Je m'avance peut-être un petit peu. Son US, hein, c'est un des deux. Ah non, bah même pas. Ah bon. Même pas. Ça sent français. Français. Enfin, belgo-français. Ah, oui, d'accord. Voilà, je vous en dis pas c'est plus. Un mec de ta famille Non, pas du tout. Non. Son belgo-français. Je passerai un petit coup dans quelques instants. Alors, absolument non, rien. Change, hein. Non, non, absolument rien. Absolument rien. Et puis, on parlera aussi tout à l'heure d'une nouvelle promo qui existe. Un ovule offert, une fécondation gratuite. Quoi? Voilà, c'est la nouvelle promo qui marche dans une clinique anglaise qui propose à ses clientes un concours avec un ovule à gagner. Et donc voilà. C'est pas possible. C'est sympa, non? C'est grave. Bah écoute, non, moi je trouvais ça drôle. C'est chaud quand même. En tout cas, ça existe aux États-Unis, tu peux te faire 10 000 dollars, Sandro. Ouais, je sais, ouais. 10 000 dollars. En mère porteuse. En mère porteuse. C'est-à-dire, tu donnes ton ovule, hop, le bébé grandit, tu prends 10 000 dollars. Tu réinvestis dans la chirurgie esthétique, justement, après. Non, t'es pas mère porteuse, tu donnes ton ovule. Ouais, ou alors t'accueilles le bébé, non? Même ça, c'est être mère porteuse. Ça, ouais, c'est être mère porteuse. Mais là, je crois que c'est plus cher. Plus. Ouais, tu prends plus cher. Là, c'est on prend ton ovule et on le met dans l'utérus d'une autre. Voilà, d'accord, c'est ça. Hein. Et donc, ça fait un bébé. Bref, pour vendre tes ovules, 10 000 dollars aux US, puisqu'il y a que là que c'est permis. On en parlera tout à l'heure et puis on appellera des gens. En Espagne aussi? Ah bon. On appellera des gens pour voir si éventuellement ils seraient ouverts ou fermés à... Bah, ouverts à vendre leurs ovules. À vendre leurs ovules, une bonne, un bon prix d'ailleurs. Bon, on va démarrer les festivités avec David Guetta, Memories. Et puis juste derrière, j'aurai un petit c'est qui du jour à vous faire écouter. Faudra le reconnaître bien sûr. Et on parlera des cadeaux à gagner. Notamment Justin Bieber à l'honneur encore toute cette semaine sur Énergie. Restez bien là. On écoute donc David Guetta, Memories sur Énergie. Voilà le son de David Guetta, Memories sur Énergie. Et on parle ce soir donc de la chirurgie esthétique. Esthétique, ouais. Et puis on parlera aussi de la nouvelle promo, donc la clinique anglaise qui propose un ovule offert, une fécondation gratuite. Donc, hein. Sympa. Voilà, c'est sympa, effectivement. Et donc la gagnante pourra choisir un ovule en fonction des caractéristiques raciales, du milieu d'origine ou de l'éducation de la donneuse. Et bénéficiera... d'une fécondation aux US, puisque c'était dispo là-bas et encore en Angleterre, c'est interdit, d'une valeur de 14 000 euros. Mais ça, c'est sympa. Alors, c'est sympa quand que même. Tu peux choisir la gueule de ton bébé. Bah, quasiment. J'ai vu un reportage, je sais plus sur quelle chaîne, où effectivement, la meuf, elle était là, elle avait un catalogue et elle regardait, voilà, je voulais, plutôt les yeux bleus, je veux que mon mari, le père de l'enfant, soit plutôt chouette, plutôt grand, plutôt sportif. Oh là là. Il regarde dans les antécédents familiaux, tu sais, les maladies pour éviter le maximum de maladie, bon, ça c'est bien. Quel genre de mec voulait sélectionner les êtres humains comme ça, tous grands, ouais, longs, forts. Ouais, ouais, bah c'est ça. Non mais par contre, moi, je crois que je l'ai vu sur reportage. En fait, c'est quand tu vas donner ton sperme, ils te font tout un questionnaire où tu dois répondre en fait à plein de questions sur ce que tu fais comme sport. T'as tout un questionnaire de QI et ensuite après ils te classent. Ouais, le QI aussi. Et après là, quoi. Ils te classent dans les trucs et quand la meuf elle arrive, bah elle sait si elle ce qu'elle aura comme père quoi. Il y a quelques années, ils proposaient même de le modifier carrément l'embryon à l'intérieur, ouais. Ce qui peut donner, enfin pareil, hein, si tu veux les yeux bleus, marrons, etc., mais ça peut donner des monstres à la fin. Ah, ça peut donner des malformations de dingue, quoi. Et puis ils peuvent être moches aussi, hein, parce que tu sais, il y a des gens aussi qui choisissent volontairement la couleur de leur voiture, ça reste moche, tu vois. Ouais. Je veux dire, donc. Et du coup, je suis sûre qu'ils ont fait des stromons, mais on les verra jamais, quoi. Ah oui, ça. Ils sont sûrement morts d'ailleurs. Je voudrais un asiatique aux cheveux crépus. Ouais, grave. C'est ça, ah. Quoi. Et donc, en gros, donc tu gagnes 14 000 euros, enfin, tu gagnes le prix de tout ça vaut 14 000 euros. Et qu'est-ce que je veux dire, donc c'est interdit en Grande-Bretagne, ouais. Et donc du coup, bah, ils envoient les gens là-bas et les ovules sont fournis à la clinique américaine, donc par des donneuses américaines entre 19 et 32 ans qui ont toute une éducation supérieure. Les fumeuses et les femmes ayant des problèmes de poids ne sont pas admises. Ah ouais, donc c'est mort pour moi. Ah ouais, ouais, là ouais, ça veut dire que c'est un peu tendu. C'est grave. Ouais, là c'est dramatique. C'est que des blondas siliconées, quoi. Exactement, ouais. Donc c'est pas mal. Moi, ça me va. On va les appeler dans quelques instants, pour voir si, elles seraient ouvertes éventuellement à vendre leurs ovules, les demoiselles en France, ou même les dames à la limite. Et puis on verra si vous avez des bons numéros de téléphone à nous balancer. N'hésitez pas. 612, débuté par Énergie ou sur mikl.fr. Il y a Marion sur le groupe Facebook qui dit, moi, je changerai rien parce que quoi que je fasse, j'aurai toujours une sale gueule. Ça le mérite donc pas d'être clair, hein. Tu fais peut-être de la famille, partie de la famille de Toff. C'est possible, hein, dis-nous en plus, peut-être Marion. C'est possible, hein, mais écoute, ça serait bien qu'on se retrouve alors. Ouais, il y a Asia aussi sur le groupe Facebook qui dit qu'est-ce que je changerais chez moi, mon nez le rétrécir. Ah, encore la famille de Toff, décidément. Yaku aussi, j'aimerais bien faire de la chirurgie, mais j'ai peur des ratés. Le nez, j'aimerais bien, il est trop gros. Puis les seins, non, ça va, j'ai de quoi faire. C'est Anne qui avait envoyé un message. Et Mathias qui dit des mecs qui veulent faire de la chirurgie pour l'interrogation. Ouais, non, mais il y en a plein. Et Carole qui dit moi, je changerais mes mains et ma bouche. Bon, continuez à donner vos avis sur mikl.fr. Cliquez sur la communauté pour venir nous rejoindre sur le groupe Facebook. En attendant, il y a Lucille qui est là, 24 ans de Nancy. Bonsoir, Lucille. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, l'équipe. Comment ça va ? Bien, écoute. Bon, très bien. Alors, toi, tu fais partie des filles qui voudraient changer quelque chose, comme on l'a vu donc dans le sondage sur les femmes qui seraient tentées par la chirurgie esthétique. J'avais dit qu'une sur deux envisageait de le faire et que 6% seulement le faisaient réellement. Et donc, toi, tu voudrais changer quoi, toi, Lucille, chez toi ? Alors, en fait, moi, j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, j'ai un sein qui est plus gros que l'autre. Mais je te rassure tout de suite, toutes les femmes ont ce problème-là. Non, ça se voit plus que les autres, quoi, si tu veux. Donc, genre, il y en a un qui fait du B, l'autre qui fait du D, ou comment ça se passe ? Peut-être pas du B et du D, mais ouais, ça fait pratiquement une taille en plus, quoi. Si ah ouais. Ça fait vraiment... Ah, une taille quand même. Et en fait, moi, je me suis renseignée sur plusieurs chirurgiens dans ma région, tout ça. Le problème, c'est qu'ils veulent pas, si tu veux, juste m'augmenter celui qui est plus petit que l'autre. Ils veulent me refaire la poitrine entière et m'augmenter encore, mais moi, je veux pas... Bah attends, mais tu peux faire ce que tu veux quand même, c'est pas eux. T'en as un qui fait B, l'autre qui fait C, les mecs, ils vont pas dire, bon, écoutez, on va faire les deux, je vous fais du D. Mais voilà, c'est ça en gros, ouais, voilà, ils veulent pas m'augmenter que celui qui est plus petit. Et là, c'est quoi la raison qu'ils te donnent ? Pourquoi je sais pas, ils me disent que c'est pas possible de refaire que un en fait. Bah si, tu peux mettre qu'une prothèse dans un dans un sein, non? Ouais, mais non, je crois qu'en fait, ouais, c'est ça, en fait, tu vas avoir un sein avec une prothèse, donc il va être bien rond, et puis tu vas avoir l'autre qui sera pas rond. Ouais. C'est pour ça que je crois qu'ils veulent en mettre dans les deux, pour que les deux aient la même gueule, quoi. Voilà. Ouais, mais bon, s'ils m'augmentent encore le tout, ben non, ça va plus, quoi, tu vois, là, je... Et tu fais quelle taille, là? Eh ben là, je fais du 95D, donc tu vois, c'est assez gros. Mais attends, ils voulaient passer à du E? Mais ouais, mais ils sont complètement fous. Moi, je veux pas qu'ils m'augmentent. Non, mais c'est vrai que si t'en mets juste dans un, tu vas avoir un sein super en l'air. Ouais, c'est ça, en fait. Et l'autre qui va tirer la gueule, quoi. Bah, exactement, puisqu'il y en a un qui sera parfait, donc forcément, il va tomber. Pourquoi tu réduis pas le plus gros? Ouais, je réduis pas le plus gros, ouais. Je sais parce qu'ils veulent pas. Ils ne proposer non plus. Si, si, si, réduire, ils peuvent. C'est, parce que ça, c'est, du coup, c'est juste de l'espèce de graisse qu'ils enlèvent. Ah, bah, non, mais à mon avis, il aura toujours pas la même forme que l'autre. Bon, il sera déjà plus proche en termes de forme. Ah ouais, je pense. Enfin, bah écoute, faut essayer. Hein. Médecin, après, je sais pas, moi non plus. Bah tu peux aller faire l'opération, teuf. C'est pas la première fois qu'il y a des mecs pas médecins qui font des opérations. Mais moi, je fais que gynéco. Et j'ai mon spéculum perso. Ah. Spéculum. Spéculum. C'est moche comme nom. Ouais, je sais pas, moche comme objet quand tu le vois. Tu cherchais pas un gynéco, toi, Sandro? Non, pas du tout. Tu peux faire l'exploration. Non, j'ai tout ce qu'il me faut, merci. Ah, c'est dommage, c'était gratuit. Hein. Non, merci, j'ai dit. Ah bon, d'accord, ok, bah tant pis. Bon, Lucie, reste là deux secondes, on va demander si y en a qui ont déjà eu l'occasion de faire la chirurgie, voir un peu comment ça s'est passé. Tu restes là? Pas de soucis. Bon, ne bouge pas, Lucille. Il y a Amélia qui dit « Oh, la pauvre ». Oui, bon, bah, il y a pire aussi comme problème. Ouais, hein. Mais ça peut bouffer la vie quand même. Ouais, ça reste pas pratique, ouais. Bon, j'avais dit que je parlerais des cadeaux ce soir. Effectivement, pack Nintendo Wii à vous filer ce soir. La console plus un jeu. On mettra ça en jeu tout à l'heure dans le Chéri, je t'ai fait cocu ou dans le GAV, Micha. Ouais. Il sera meilleur que vendredi? Oh là, il sera... C'était un drame. Non, il sera premium ce soir. Il sera premium. Premium dans mon cul. Top premium. Tu vois, c'est ça le problème, Micha, c'est que tu t'engages à chaque fois. Voilà. Bah non, c'est vous là, qui te la ramènes. Lui, non, ça va être de la merde. Ça va être de la merde. Il sera loupé, ça sert à rien de le faire. Tu ne fais pas doser, tu dis on verra, c'est la surprise. Voilà, c'est ça. Et vendredi, je t'ai mis en vente sur Facebook. Oui, j'ai vu ça, il n'y a pas grand monde. Ah, il y a quand même des gens qui proposaient 10 euros. Je m'attendais à devoir payer pour te débarrasser. C'est déjà pas mal, Micha. Franchement, 10 euros, c'est bien. Non, non. Ça fait une place de ciné, quoi. Ah, ça dépend si il est nourri, logé, blanchi. Ah, ça, je sais pas. Blanchi, non. Non, blanchi, non, mais. Non, mais je suis assez polyvalent quand même comme garçon, faut le savoir. Ah, ouais, ouais, là, on peut changer des ampoules. Waouh, génial. Bon, et puis on aura aussi des sacs body pack à vous filer. Et puis Justin Bieber, on mettra ça en jeu. Venez vous inscrire sur le groupe. Justin Bieber, carrément. Mais non. Venez vous inscrire sur le groupe Facebook, c'est là que ça se passera tout à l'heure. MIKL.fr, cliquez sur la communauté, puisqu'on enverra un couple d'auditeurs, c'est-à-dire deux. Avec le transport et l'hébergement qui viendront écouter à Paris en exclu l'album de Justin Bieber. Ce sera à Paris le vendredi 19 mars dans la maison de disques. Voilà, donc si vous voulez choper ça, venez déjà vous inscrire maintenant mikl.fr, cliquez sur la communauté. On aura aussi des places de foot à vous filer pour Auxerre-Le-Mans, Marseille-Lyon, Rennes-Toulouse. Voilà, on fait péter tout ça avant minuit. Je pense qu'on a fait le tour, on a fait le tour de tout. Et puis je vous passerai un petit extrait d'une nouvelle chanson tout à l'heure. Nouveau son, belgo-français, eh oui, tiré du troisième album. Non, c'est... Oh, presque. C'est... Ouais, on aurait pu, ouais, mais enfin, on a enlevé tout plein de merde dedans, donc forcément, on n'arrive pas à trois albums. Bref, je vous passerai un son tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, on envoie aussi du son après la pub. Ce sera Stromae, alors on danse. Bouge pas. Michael engueule son équipe hors antenne. L'émission revient juste après ça. Michael n'est pas belge. Il n'est pas radin. Ce n'est pas une petite nature. Il n'a pas de cheveux blancs. Voilà. Comme ça, il serait content. Tu lui quittes à mentir aux gens pour t'en faire jusqu'au bout. Michael n'est pas sur énergie du dimanche au vendredi. Tout ça n'est qu'un mensonge, une conspiration. 21h minuit, c'est pas Michael sur Pas Énergie. Voilà. Et on est là comme tous les soirs sur Énergie entre 21h et minuit. Toujours avec vos messages sur amical.fr en cliquant sur la communauté. On salue Fanny, Julie, Damien, Alice, Alicia, Camille, Asia, Swazik qui est là également. Donc si vous voulez rejoindre tout le monde, amical.fr, cliquez sur la communauté. On est plus de 45 000 sur le groupe Facebook. On va donc, avant de reparler de chirurgie esthétique et appeler des gens pour voir s'ils sont prêts éventuellement à vendre des ovules, nous allons jouer au sarcogame avec Yacine. Chers compatriotes, bonsoir. Et bienvenue dans le sarcogame. Oui, bonsoir. Bonjour. Alors, Michael. Oui, bonjour Nico. Alors Yacine, 21 ans du 49, comment ça va? Ouais, salut Michael, salut toute l'équipe, ça va et vous? Ça va, tranquille, et toi? Ouais, ça va, super, tranquille, bon, la forme, quoi. Passez un bon week-end. Ouais, nickel. Ouais, tranquille. Bon, de l'autre côté, Aurélie, 16 ans, du 26. Bonsoir, Aurélie. Salut Mika, salut toute l'équipe. Comment ça va? Eh ben ça va très bien, et ça va tout le monde? Mais oui, mais tout le monde va bien, a priori. On est un peu stressé là, on attend. Pas trop là, mais... Voilà. Quand le jeu sera passé, ça ira mieux. A priori, ça va. Bon, Yacine, tu veux jouer avec qui? Sandro. Eh ben parfait, voilà, comme ça elle est plus stressée. Mais non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Descends-le. Aurélie, tu veux jouer avec qui, toi? Eh ben moi, je veux jouer avec toi. Parfait. Vas-y, prends ça, Toff. Bonjour à Monsieur Sarkozy d'ailleurs. Oui, bah Nicolas vous salue. À nous Nicolas, oui. Vous, comme chaque soir d'ailleurs. Bon, nous allons y aller. Yacine et Aurélie, je vous rappelle le concept. Donc, on va jouer au Sarko Game. Je vais donc vous poser des questions. Il faut impérativement attendre que je termine d'avoir posé la question avant de pouvoir répondre. Et si... je pose la première question. Par exemple, Yacine qui a décidé de jouer avec Sandro. Yacine a une réponse. Il la donne. C'est raté. Eh ben, Sandro se prend une décharge. Et à ce moment-là seulement, Aurélie et Toff peuvent se consulter, se concerter même, pour tenter d'avoir plus de chances pour trouver la réponse. D'accord ? Ok, ça marche. Et s'il n'y en a aucun des deux qui se dévoue à lancer la première réponse, je choisirai quelqu'un au hasard. Ok ? Si tu réponds, j'annule tout. Non, du calme, là. Bon, on y va. Première question. Quel mot abracadabrantesque Nicolas Sarkozy a-t-il utilisé pour qualifier les rumeurs d'adultère de sa femme avec le chanteur Benjamin Biolay ? Oula. Eh oui. Il n'y a pas de proposition. Ah bah non, jamais non, Sarko Game. C'est compliqué quand même. Hein. Mais non. Aucune. Mais non. Allez, Yacine. Putain. Voilà, j'en sais rien. C'est dommage. Dis au hasard, on sait jamais. Alors, aucune idée comme ça. Allez, parce que le mot est dur, je te donne un indice, ça commence par un E. Étourdi, non. Étourdi, mauvaise réponse. Ça fait mal, Sandro. Bah Nico, attendez d'abord qu'elle souffre avant de lui poser la question quand même. Bon, du coup, Aurélie et Toff, vous pouvez vous concerter. Bah Aurélie, j'allais dire ubuesque, mais ça commence pas par E, donc ça peut pas être ça. C'est bien, il y a une faute. Oui, mais bon. Et il en fait beaucoup. Hein. Ah, c'est parlé, donc. Aucune idée, hein. Et ubesque, ouais, ça marche. Allez, plus vite. Électoration, mais ça a une... Non, ça n'a aucun... Électoral... Non, ça n'a pas de rapport. Électoral. Bon, allez, vite, une réponse. Allez. Non, je sais pas, Aurélie, si t'as une idée, vas-y, mais là, j'ai aucune idée. Ah, mais là, j'ai rien du tout. Cette question est compliquée. Mais non, elle est pas compliquée. Ça va faire mal, ça va. Allez, eh ben, ça fait mal. Oh, on dirait qu'il y avait plein de glaire dans la bouche, c'est dégueulasse. Ça faisait plein de petits machins là. Bah, c'est dommage en plus parce que Toff l'avait, non? Bah oui, élucubration, c'est la bonne réponse. La boule. Élucubration, j'ai dit ubuesque. Non, ouais, mais après, j'aurais bien dit ça, mais ça doit pas être ça. Bah oui. Mais ça rime pas avec. Qu'est-ce que je te dis? Non, elle a pas dit que ça rimait. Si, c'était quoi la question? Qui est le mot abracadabrantesque Nicolas Sarkozy a-t-il utilisé pour qualifier les rumeurs d'adultère avec sa femme? Ça devait finir en enfin, de sa femme, pardon, bah non. Élucubration, donc 0-0. Comment tu savais ça? Grand ballot. Hein? Comment tu savais? Bah, je le savais, moi, cette question. Ouais, c'est ça. J'ai vu la presse aujourd'hui. Hein. Ah, arrête de te foutre de ça ma gueule. Ça marche, ça va. Ouais, ça. Je regarde pas que l'horoscope dans le journal. En fait, Sandro, maintenant, elle triche, mais après. Ouais, voilà. Après, c'est coupé, quoi. Quand c'est trop tard. Deuxième question. D'après Laurent Kérusoré, l'acteur de Plus belle la vie, quel était le métier de sa mère biologique? D'accord. C'est quoi le nom? Laurent Kérusoré, c'est l'acteur de Plus belle la vie. Oui. Aurélie. Ce jeu est vraiment stupide. Je cherche pour toi. Yacine. Doucement. Vas-y. Oh. Yacine. Aurélie. Yacine. Qu'est-ce que tu veux dire, Yacine? T'as la réponse. Je veux dire au hasard, hein, femme de ménage, non? Ouais, non, serveuse, non, peut-être, hein, en rapport avec la série. Ah. Faut vous décider, hein. Bah vas-y Yacine, hein, c'est toi qui joues. Non, alors qu'au vrai, tu l'as donné 30 secondes. Bah allez, barman, non? Barman. Décharge pour son nom. Non, mauvaise réponse. Déjà on dit barmaid pour une fille, mais en plus ça c'était prostituée. Ah putain, j'y ai pensé en plus. Eh ouais, allez, on y va. Est-ce que c'est reconnu comme une profession? On va dire que oui. En tout cas, elle paye des impôts. 0-0. Ouais. Dans quelle ville la plus moche du monde Sharon Stone tournera-t-elle bientôt pour le prochain volet de Largo Winch? ce que j'allais dire, si c'est ça, c'est vraiment la plus moche du monde. Enfin, après, c'est chacun son avis. Hein. Oui. Yacine Aurélie. Oula, aucune idée. Ils sont bons, un coup de main. En fait, je lui disais, je connais pas de pute qui remet une facture à la fin d'une pipe, donc je vois pas comment elle paye des impôts, c'est du noir. Ouais. Aurélie. Enfin, tout le monde s'en fout. En Belgique. En Belgique, malheureusement, la Belgique n'est pas un pays, elle n'est pas une ville. Décharge pour Toff. C'est quoi la question? Dans quelle ville Sharon Stone tournera-t-elle pour le prochain volet de l'Arc de Winch? Yacine. Bruxelles. Aurélie, tu as déjà donné ton avis, hein, c'est trop tard. Tu dirais Bruxelles. Quoi, Yacine? Bruxelles. Eh ben, mauvaise réponse. D'abord, déjà parce que Bruxelles n'est pas moche, et de deux, c'est parce que c'est Charleroi. Charleroi, je le savais, putain. J'étais pas loin quand même. Vous êtes mauvais. Bon, 50 km quand même. Zéro quoi, zéro. Mais non, qui m'a foutu un capot pareil. Bah je sais pas, Nico, mais là pour la peine. Ils ont tourné à Charleroi, c'est donc la première fois qu'ils tournent un film dans Charleroi. Non, ils ont déjà fait des reportages. Ah bah oui, ils ont tourné des explosions. Reportage sur les Google et tout. Bon, allez, dernière question. Si jamais y a rien, tant pis. Le héros de Twilight, Robert Pattinson, a récemment déclaré qu'il voulait faire une autre chose que du cinéma et revenir à ses premiers amours. Mais quel métier veut-il exercer? Yacine, respire pas dans le téléphone. C'est Aurélie qui respire dans le téléphone comme une cochonne. On se demande bien ce qu'elle fait. Donc, du coup, la question. Alors. Yacine. Ah, j'en sais rien. Décharge pour Sandro. Aurélie, avec toi. Bah écoute, il veut se remettre à la chanson, j'en sais rien. Ouais, chanteur, ouais. Ouais, chanteur, allez. Chanteur, ouais. Bonne réponse. Allez. Et oui, victoire. Victoire sur. Pourquoi Sandro a pris une. Ah oui, c'est normal. Elle a perdu, elle a perdu. Oui, c'est normal, c'est normal. Aurélie, c'est gagné sur le fil, il n'y a pas de quoi de fier. Super. Yacine, c'est perdu, il n'y a pas de quoi de fier non plus. Hein. Ok. Bon, allez. Salut tous les deux. Salut l'équipe. À bientôt. Ciao à vous, bye bye. Bon, ben, retour du Sarco Game demain 21h. A bientôt, bande de blaireaux. Oui, à bientôt. Ouais. Alors, Nicolas. Allez, dans un instant, on reparle de. Bah, déjà, on va appeler avec Toff des personnes. En France, pardon. Et puis là, on écoute Stromae, c'est Alors on danse. Voilà le son de Stromae à l'instant. C'était Alors on danse sur Énergie tous les soirs. On est là entre 21h et minuit. Vous êtes là aussi sur amical.fr en cliquant sur la communauté. Groupe Facebook, on est plus de 45 000. Il y a Anou, il y a Valentin, il y a Anne qui est dessus comme tous les soirs. Il y a Julia, Maureen, Damien, Asia, Julia et les autres. Amical.fr. Cliquez sur la communauté. On reparle de la chirurgie esthétique dans un instant avec Lucille qui a un sein plus gros que l'autre et qui voudrait arranger ça. Il y a Luna qui voulait donner son avis également. On parlera du problème du forum du jour aussi aujourd'hui. Et puis on va aller avec Toff maintenant téléphoner afin de voir si les gens seraient ouverts à vendre un ovule, puisqu'il y a une clinique anglaise en fait qui, ou deux, après c'est comme ils veulent, il y a une clinique anglaise qui propose donc à ses clientes un concours avec un ovule à gagner. Et donc voilà, on va voir si éventuellement il y a moyen de choper des ovules. Bah, c'est moyen de racheter des ovules, bah, c'est ça. C'est ça pour le marché. Bah voilà, donc on y va, on appelle le premier ou la première, enfin de préférence la première évidemment. On y va, on appelle. Allô. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour. Des organes et du sang à l'appareil. Voilà, en fait, je vous appelle parce que nous sommes spécialisés dans la vente et l'achat d'organes. Comment? Je dis, nous sommes spécialisés dans la vente et l'achat d'organes. Votre psychopathe. Je n'ai pas compris. Hein. Donc, je disais que nous sommes spécialisés dans la vente et l'achat d'organes. Ah bon, d'accord. Voilà. Et donc, je vous appelle parce qu'actuellement, nous sommes à la recherche d'un ovule. Mais a priori, c'est un peu tard pour vous. Ah bon? Hein? Non, je ne sais pas, je vous demande. Mm-hmm. Alors, vous avez à faire quoi pour vous? Hein? Très bien. Comment? Non, je n'ai rien dit. Je vous demandais si vous aviez encore des ovules. J'ai encore des ovules. Est-ce que vous avez des œufs dans la cocotte minute? Non. Pas la peine. Comment ça, c'est pas la peine? Non, je vous demande si vous avez encore des ovules. Des ovules? Oui. Ah, pourquoi? Pour vous les acheter. Ah, mais non. Mais si. Mm-hmm. Est-ce que vous comprenez tout ce que je dis? Alors? Oui, je le disais aussi. Donc, pour l'ovule, on peut évaluer un prix à combien? Ah non, je n'ai pas acheté. Non, c'est moi qui vous achète. Ah bah bon? Bon, ben je ne sais vous pas. Vous vivez dans quel pays? Ah ben bon. Est-ce que vous comprenez le français? Je parle le français, mais je ne peux pas boire du body comme ça. Ouais. Très bien. Alors. Et donc, pour vous acheter un ovule? Non. Peut-être que je pourrais vous acheter un foie. Ah, mais oui. Ah, ça, je peux. Je peux vous acheter votre foie. Combien pour le foie? Je parle boudou. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me suis dit à un moment, elle se fout de sa gueule. Mais à mon avis, ouais. Non, je pense pas. Ah, je sais pas où j'étais. Voilà, elle savait pas parler français, mais c'est possible. Voilà. C'est ça, mais en tout cas, garde son numéro. Hein. Ah, ouais, franchement, on va la rappeler de temps en temps. Pour un petit Radio Chatas, on va donner à Bilou. Ah ouais. Ah, il va s'arracher les cheveux. Ah ouais, je crois que ça peut être le cas, effectivement. Bon, en l'occurrence, là, c'est un échec. Oui, cuisant. Ouais. Donc, ce que je propose, c'est qu'on en rappelle d'autres. Oui, allez, on en rappelle un autre. Allez, on y va, c'est parti. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle puisqu'en fait, je suis à la recherche d'organes. Recherche d'organes ? Oui, voilà, en fait, je suis spécialisé dans l'import-export d'organes. Hein, les organes plus, c'est nous. Excusez-moi, mais là, il est 11h10. Excusez-moi, mais vous êtes un peu affadant, non ? Oui, par contre, il n'est pas 11h. Hein. Il a pété un plomb, lui, ou quoi ? Et je sais pas. Ah, c'est raccroché ? Ouais, c'est barré. Ah, il a raison. Ça se trouve, t'as appelé ailleurs qu'en France. Oui, ça c'est possible. Ah non. Ah non, mais ça peut être des déviations d'appel. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que si, bon, toi tu le feras pas, mais si on appelle sur ton numéro de téléphone à la maison et que t'as fait une déviation d'appel et que tu te retrouves, à l'autre bout du monde, tu sais pas toi non plus que c'est une déviation. Mais non, il sait juste pas lire l'heure, c'est juste ça son problème. Bon, on rappelle. Oui, excusez-moi, j'étais en communication avec monsieur, je crois qu'il a des problèmes de montre. Ah bien. Oui, ah, parce que sa montre n'a pas l'air très à l'heure. Ah, elle est pas là, oui. Oui. Très bien. Oui. Excusez-moi, vous vivez dans quelle dimension? Ah ben là, je peux rien vous dire, excuse-moi monsieur. Oui. Mais c'est pas possible, il se passe un truc là. Attends, mais. T'as appelé où? Je sais pas. Les asiles. T'appelles des amis à toi. Attends, en vrai. C'est la même meuf que tout à l'heure là? Ah non, c'est. Ah, c'est l'autre. A priori, c'est la meuf du mec. C'est la même famille. C'est dingue. Appelé avant. Bon, ben, alors, vas-y, rappelle, on rappelle encore un coup. Hein. Décroche-le maintenant. Il y en a qui va parler avec les mains. Oui. Allez. Voilà. Allô. Oui, excusez-moi. Vous avez un problème? Vous avez été enlevé par des extraterrestres? Non, parce que généralement, quand on a un problème de décalage dans le temps, c'est qu'on a été enlevé par des extraterrestres et qu'on est revenu au monde réel. Non, mais ça va pas. Vous avez entendu m'emmerder comme ça, vous? Non, non, je cherche pas à vous embêter, mais si vous aviez un problème, je pourrais peut-être vous aider en appelant la police ou quelque chose. Ah, écoute, vas-y, rien à faire. Celui-là, tu veux qu'on appelle ça droit ailleurs. Pardon, je n'ai pas tout compris. Eh, sans déconner, quoi. Eh, t'appelles où, putain? Mais c'est dans le nord, non? Mais non, on dirait du chinois, tu sais, ou du japonais à brancher ça. Ah, donc t'appelles dans le 12e à Paris. Dans le 13e, ouais. Ouais, 13e, ouais. Ah, bah voilà le problème. On dirait dans le sud. Ouais. Ouais, on dit. Bon, on rappelle encore un coup, histoire de. Après, on arrête. Oh, c'est dingue. Encore, oui. Ou alors c'est le quartier chinois à Londres. Ah, c'est possible aussi. Ça. Oui. Oui, je m'excuse, mais je n'ai pas bien compris la dernière phrase de monsieur. Excuse-moi, je suis en train de dormir. Hein. C'est l'heure. On n'a pas plus le temps de parler avec n'importe qui. Hein. Excuse-moi, oui. Monsieur. Hein? J'avais bien compris, mais je n'ai pas compris sa dernière phrase. Oui, je sais pas. Il n'a pas le temps. Il va dormir. Ah, putain. On a compris la dernière phrase. Ouais, bah c'est déjà ça, mais enfin 9h43, aller dormir si tu veux, c'est un peu l'âge. Il est vieux. Ouais, il a pas le temps, ouais, c'est vrai. Bon, eh ben écoute, un échec, deuxième, hein, donc. Ah hein. Oui, très cuisant celui-là. Bon, on va en rappeler d'autres tout à l'heure. Bah écoute, oui, je vais essayer de trouver des gens qui parlent la même langue que moi. Là, on n'a pas le choix. Hein. Et puis on vous balancera aussi en exclusivité mondiale un extrait d'une nouvelle chanson. Restez bien là. On va récupérer Lucie et Luna aussi pour parler de chirurgie esthétique. Et on mettra un petit peu de son avec Vivi Brown, ce sera Shark in the Water. Vivi Brown à l'instant, Shark in the Water. Il y a un message qui est arrivé qui dit « Salut, les derniers mecs que vous avez appelés, ça ressemble bien à des Québécois. Bonne soirée. » Peut-être, bah, des Québécois habitant en France, peut-être, je sais pas trop en fait. Je sais pas, mais j'avais l'impression d'être sorti. Alors, on était dans un autre monde, hein, ça c'est clair, hein, ça c'était même le surréalisme. Bon, si vous voulez nous parler, n'hésitez pas, et si vous voulez réagir à l'émission gratos, mikael.fr, cliquez sur la communauté. On filera les places aussi Justin Bieber tout à l'heure pour venir en exclusivité écouter le nouvel album de Justin Bieber. Ça se passera à la maison de disque même à Paris, on vous envoie évidemment jusqu'à Paris, tout frais payé. Il faudra jouer, donc venez vous inscrire, mikael.fr, cliquez sur la communauté. Voilà, on salue Angélique qui est sur le groupe Facebook. Il y a Auriel, il y a Fanny, il y a Aurélie, Lucas, Sacha, Ludivine, Céleste et les autres. Et Angélique qui dit Toff n'a rien besoin de se faire refaire, il est parfait. Merci Angélique. Entre parenthèses, je rigole bien sûr. Merci. Le seul dans l'équipe qui a besoin de rien, c'est Mickaël. Oui, c'est vrai. Ah. Ouais, bien sûr. En toute modestie. Hein. En chirurgie, ouais. Mais par contre, une teinture, ça te ferait pas de mal. Pourquoi faire ? En blond, ça m'irait pas, franchement. Non, en noir. Bah c'est ce que j'ai déjà hein, depuis petit. Non mais pour refaire le noir. Pour non bien le noir. Le noir va très très bien. Il y a pas de problème. Je parlais de mes cheveux bien sûr. Hein, oui. Avant qu'on arrive et qu'on me tape scandale encore. Donc je parlais juste de mes cheveux. Bon retour avec Lucille maintenant. Lucille qui est là donc 24 ans de Nancy qui nous avait appelé tout à l'heure parce que déjà elle voulait réagir au sondage là sur les femmes qui sont tentées par la chirurgie. J'avais dit qu'une femme sur deux envisageait la chirurgie et que seulement 6% ont déjà eu recours à la chirurgie esthétique. Et alors attention, donc on avait parlé de choses et d'autres à remplacer, enfin remplacer non, mais à modifier. Sandro, elle voulait la lipo. Lipo, ouais. Ouais, donc c'est le bide en général. Non, pas du bide. Ah, des hanches. Des fesses et des cuisses. Hein. D'accord. Et alors éventuellement un peu plus tard les cuisses seulement. Remonter les nibards. Ouais. Très bien. Et alors, donc parmi toutes celles qui ont déjà pratiqué ou qui souhaiteraient pratiquer, 64% veulent se faire modifier le bide. Une femme sur deux veulent se faire modifier les cuisses, 38% les fesses, et seulement 37% les seins. J'aurais mis ça beaucoup plus haut, moi, les nibards. 38 les fesses, 37 les seins. Putain. C'est bizarre, hein. Moi, j'aurais mis les seins beaucoup plus haut, mais bon. Ouais, après, parce qu'on aurait mis les seins ou alors elles l'ont déjà toutes faites. Mais non. De quoi ? Si elles l'ont déjà toutes faites, les seins. Non, c'est celles qui envisagent de faire la chirurgie esthétique, c'est le résultat qui a été donné. C'est le premier truc auquel tu penses. Ouais. Bah écoute, ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi, mais bon, faut voir. Attends, il y a Luna qui est là également maintenant, 16 ans. Bonsoir Luna. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. Alors, comment on prononce le nom de ta ville ? Comme un mouton qui crie ? Ouais. Bé. Ouais. Ah bah c'est joli. C'est rien ? B-A-I-G-T-S. Bé. C'est pas mal, hein. Dis donc, t'appelles d'où? Ben, ok, c'est un concept. Hein. Alors, Luna, donc tu voulais réagir par rapport à Lucille, toi, on t'écoute. Est-ce que tu as envie de te faire refaire quelque chose déjà ou pas? Comment non. ça se passe? Non. Dis-nous. Non, pas du tout, j'ai pas envie. Et je trouve que la chirurgie esthétique, c'est nul. Ouais. Ouais. Voilà. Et, pourquoi c'est nul? Parce que juste dire c'est nul, ça n'apporte rien. Enfin, la chirurgie esthétique pour. Ça soit plus joli, j'aime pas trop, mais médical, pour que c'est médical, oui, c'est sûr que ça sert. D'accord, ok. Donc ça veut dire que si à un moment ou à l'autre, tu te rends compte que comme Lucille, plus tard, tu te retrouves avec un ibar qui est deux fois plus grand que l'autre, tu trouves ça nul. Ah mais non, là c'est médical. Ah mais non, enfin, c'est pas médical, c'est psychologique alors. Oui, voilà. Médical, c'est par exemple, t'as été brûlé et tu refais faire une chirurgie pour atténuer les dégâts. Ouais. Ah! Et donc là, tu pourrais le faire. Pardon? Là, tu pourrais le faire. Oui. D'accord. Et donc, si c'est juste pour un kiff, parce que tu trouves que 90A, ça va pas, mais que tu préférais un B ou un C, là, tu voudrais pas. Bah, ça dépend si ça gêne vraiment beaucoup la personne. Alors, en général, quand tu vas jusqu'à l'opération, c'est que t'en souffres. Bah, ouais. Ça dépend, il y a des personnes riches qui en souffrent pas vraiment. Ouais, mais alors ça, c'est tu parles de la chirurgie excessive. peut-être. Après, il y a ça. J'ai vu ça aussi dans. Putain, je passe. On rencontre. Tu regardes beaucoup la télé, en fait. Je regarde souvent, alors qu'avant, non. C'était. Mais je crois que c'était dans Confessions Intimes la semaine dernière. Ouais, sûrement, ouais. Ouais, je pense, ouais. C'était un mec qui passait sa life à se refaire beau, machin. Et il passait sa vie à avoir des rendez-vous chez le chirurgien pour lui faire refaire tout et n'importe quoi. Donc, il, à un moment, il va chez le chirurgien tout content parce qu'il allait enfin repasser sur le billard. Et le chirurgien lui dit non, écoute. Il vaut mieux pas, franchement, t'as déjà fait beaucoup de chirurgie, à un moment, il vaut mieux s'arrêter là, quoi. En plus, t'as rien à faire, refaire. Il avait fait beaucoup d'opérations, il ressemblait toujours à rien. Et il ressemblait toujours à rien. Et en fait, le mec, donc sa meuf qui en pouvait plus, et le mec qui sort du chez le chirurgien dépité, et la meuf qui dit, bon, ben voilà, maintenant le chirurgien, il a pris un rendez-vous chez un autre. Bah oui, c'est ça. L'autre lui dise oui. Ah oui, c'est clair. Mais c'est dingue. Ça se trouve, le chirurgien, il a dit ça dans les caméras, mais il va le rappeler derrière. Ah, mais c'est bon l'opération. Ah, c'est possible, ouais, c'est possible. C'est possible, ouais. Ce mec-là, c'était devenu une maladie. Ah non, mais il avait un problème, hein, ouais. Ça c'est clair, ça c'est clair. Et donc voilà, donc chez lui, effectivement, c'était complètement de l'abus. Tu connais des gens, toi, Luna, qui ont fait des chirurgies ou pas? Non. Non. Je sais pas, je demande. Hein. Mais tu devrais t'inscrire dans des clubs de chirurgie, tu sais, où les meufs, elles viennent raconter toutes les galères qu'elles ont eues après. Ouais, parce qu'après, ça peut rater aussi, hein. Tu sais, t'as des chirurgies à la con parfois, tu veux faire un truc et puis au final, bah c'est raté quoi, parce qu'ils enlèvent, ils enlèvent trop, ils remettent mal. Tu peux rejeter tes prothèses pour les seins, ton corps peut rejeter, non? Tu peux les rejeter. Je suis très content qu'on parle de seins ce soir. Pourquoi? En gros, ce touche les seins. Bah oui, bah alors. C'est le téton. Bah écoute, ceux qui sont de mon côté, bah c'est-à-dire moi, on ne voit rien puisqu'il y a l'écran d'ordi qui est devant. Ah, c'est malheureux. Mais toi, fais juste à côté. Hein. Moi, c'est parfait. Moi, c'est comme d'habitude. Il a une vue plongeante puisqu'il est bien plus haut. Voilà, c'est ça. Donc tout va bien. Bah écoute, merci Luna d'être passée. Merci beaucoup. N'hésite pas. Et tu reviens quand tu veux. Oui, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah bon, dis-nous alors. Donc en fait, il y a un autre truc que j'ai vu à la télé qui existe. Ouais. C'était en fait, c'était des gens. C'était des médecins qui injectaient dans les seins quelque chose. Mmh. Ça peut se faire n'importe où, pas obligé dans les seins. Et c'est quelque chose qu'on a déjà dans le corps, en fait. Et notre, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom de... C'est de la graisse, non? C'est le botox? Non, c'est pas de la graisse. Et donc, en fait, ça peut faire grossir et peut-être que ça peut marcher que sur un seul sein. Enfin, peut-être qu'ils peuvent le faire que sur un seul. Ah ouais, c'est... Parce que c'est pas des prothèses, en fait. C'est pas de la graisse qu'on te prend, genre, sur la cuisse et qu'on te réinjecte ailleurs? Non, c'est pas ça. Parce que sinon, Sandro, on donne. Hein. Si vous avez des problèmes au niveau des nibards et vous cherchez un peu de graisse, aucun problème. Hein. Elle voulait justement se faire enlever un peu au niveau des hanches, enfin des cuisses. Les hanches, enfin tout. Oh là là. Elle va se prendre tout à l'heure. Non, je souhaite pas le faire. Tu m'as demandé si je pouvais. Oui, mais si c'est pour rendre service, pour donner aux autres un peu de graisse. Ceux qui n'ont pas. Ça, ceux qui n'en ont pas et qui le vivent très mal. D'ailleurs, il y a Angélique justement qui dit, est-ce que c'est possible, c'est sur le groupe Facebook, est-ce que c'est possible une chirurgie pour avoir de la graisse en plus, le contraire de la liposuction donc? Ah, en injecté carrément? Ouais, donc genre quelqu'un qui est trop maigre. Putain, le rêve de Sandro, ça a bouffé comme une truie et pas prendre un gramme. Ouais, bah si, tu les crêpes. Tu fais une lipo à chaque fois, quoi. Ah non, ça c'est chaud. Ah ouais, mais non, t'imagines la merde. Aux parents. Ah ouais, non, c'est chiant, ouais. ça doit dérouiller. Mais surtout que ça marche minimum. Pas. Vaut mieux faire de la... Oui, ça marche un temps, si, enfin, ça marche un temps, mais si tu remontes... changes pas ton alimentation, ça sert à rien. Vaut mieux faire de la muscu. Ouais. C'est ça qui est nul. C'est l'option que j'ai choisie, personnellement. Oh là là, il va falloir bosser. La muscu by Britney Spears. Si, ça marche, ouais. Ouais, je fais les abdos by Britney Spears après pour les... Ah ouais, la muscu c'est Bayrou. Hein? La muscu c'est Bayrou. Bayrou? Bayrou, Bayrou. Ah, Bayrou. Non, pas du tout, non. C'est une vidéo. D'accord. Que je trouve sur Internet, tout simplement. Il y en a plein, il y en a des milliers. Je suis curieux d'arriver au mois de juillet. Pour voir la différence. Là, vous le voyez pas, mais j'ai perdu. Ah oui, mais on verra plus tard. J'ai repris, en fait. Mec, je voulais pas te dire, on va pas. Je fais un peu de yo-yo, mais j'ai perdu. Mais non, mais quand on perd un kilo, ça se voit pas. Ouais. J'ai pas perdu qu'un kilo. Ah bon? Ouais, enfonce-toi, vas-y, continue. Ce week-end, j'ai mis un collant. Ah, c'est normal, ça va. Et pour la première fois de ma vie. Il collait. Comment je peux expliquer? Je sais pas. Mais qui passait pas de l'élastique. T'as compris ou pas? Je voyais le trou. Oui, l'écart entre les cuisses. Ouais. Tes jambes se collaient pas. Si, mais on voyait un petit trou, quoi. Ah ouais, c'est ça, il y avait un petit trou. Non, mais tu peux passer un. Non, mais tu peux passer un. Une feuille de papier, quoi. Ouais, ou un doigt. Tu peux passer quoi? Un clou. Une épingle. Ou alors c'est juste qu'elle touchait. Tu sais, elle était pas droite en fait, elle avait des jambes un peu écartées. Et donc c'est ça qui te fait dire que ça fait plus qu'un kilo. Ah ouais. Ça on est pareil d'ailleurs. Bon, Luna, je te fais des gros bisous, Luna. Oui. Quelqu'un va lui dire. À bientôt. Oui. Mais ouais, mais grave, putain. Non, mais même... j'attendais un peu de compassion. Mais si, si, on s'est fait la réflexion tout à l'heure avec le meuble. Non, mais je vous demande pas de mentir, mais bon, faut voir dans 3 mois, quoi. Bah, c'est ce que je dis, on va voir tout à l'heure, on va voir dans 3 mois, d'ici juin, quoi. Ouais, voilà. T'as bien raison, c'est la voie de la sagesse. Ah, bah ouais. Bon, Lucille, merci à toi d'être passée. Si on a encore d'autres plans, toi, tu es en courant, d'accord? Pas de soucis, je peux juste passer une petite dédicace. Vas-y, ouais. Alors bah écoute, je vais faire un gros bisou à David et puis bah tous les gens qui vont me reconnaître. D'accord, bah le message est passé. Gros bisous Lucille. Bisous. À bientôt. On fera le programme du forum du jour aussi tout à l'heure. Et Aline qui est sur le groupe Facebook, il dit j'en ai marre d'être célibataire. Il n'y a pas un mec célibataire sur Argenteuil. Bien sûr que. Et une belle bête hein. Polo du Polo Show. C'est le plus beau mec d'Argenteuil. Ah bah grave, grave, grave. Donc il est totalement disponible. Aline, n'hésite pas à prendre contact. Mikael@mikael.fm. Je transmettrai. Bon, on reparle tout à l'heure des chirurgies esthétiques, des ovules aussi à donner et à vendre en l'occurrence. Et puis on écoute Rihanna maintenant, c'est Rude Boy sur Énergie. On est toujours là sur Énergie avec Rihanna à l'instant, Road Boy. Et puis, bah, vous lâchez toujours vos messages, bien sûr. 612 débuté par Énergie. Ou alors sur, et gratuitement d'ailleurs, sur mikael.fr. Cliquez sur la communauté. Voilà, on fera un petit JAV ou un petit chéri, je t'ai fait cocu tout à l'heure avec une, avec le pack Nintendo Wii qu'on vous fera, qu'on vous filera, pardon. C'est la Nintendo Plus, un jeu si vous voulez vous inscrire. Bah, Micha, hein, 0800 70 42 48 ou 612 débuté par Énergie. Puis vous mettez cocu au JAV. Voilà, et puis vous laissez votre numéro de téléphone évidemment. Bon, on va se faire péter la surprise que j'ai depuis tout à l'heure là. Allez. Ah, ça me paraît pas mal, hein. Vous avez été nombreux à nous demander un nouveau son du SC Crew et nous en avons fait un. Il n'est pas fini comme vous allez pouvoir l'entendre. Si, attends, c'est la meilleure personne que vous allez entendre. Voilà, qui n'a pas été fini non plus. Hein, c'est puisque, c'est le meilleur passage de tout le morceau, arrêtez. Ouais, arrêtez. Ouais, enfin bon, on va pas s'enflammer non plus, mais écoutez, alors c'est ça quoi. C'est pas terminé, ce n'est pas terminé. C'est top. Ce n'est pas terminé. C'est génial. Ouais, enfin, ferme ta gueule, écoutez. Vous êtes sûr? Ouais, ouais, bah c'est top. Mais bien sûr, c'est parfait. Enfin, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as écouté, Jack? Ah, j'ai écouté un petit bout. Ouais, c'est pour ça. Si, vous le mettez pas, c'est dégueulasse. Bon, attends, en même temps, c'est Tof qui est dessus. On peut difficilement aller plus haut. C'est pour ça, que c'est magnifique. C'est pas un teaser. L'avantage, c'est qu'on pourra difficilement être plus mauvais que. Ouais, mais justement, ça donne pas envie, ça. Mais justement, on va voir. En plus, tu sais, mais ça, bon, c'est pas propre à Tof, hein, c'est propre à n'importe qui. Dès que tu enlèves l'instru et que t'entends la version a cappella. Ah, c'est de la cappella en plus. Ah, oui. Ah ouais. Vous faites tout pour dégoûter les gens. Quoi. Ah grave. Ah bah ouais. Bien sûr. Là, ça va être dégueulasse. Ah, déjà, on peut faire un jeu. Tiens, à votre avis, quelle est la chanson d'origine? Ah oui, ça, tu peux faire le jeu. C'est le C'est qui ce soir? Quelle est la version d'origine? Donc, écoutons Tof qui chante. À Paris, sans Facebook tu n'auras pas d'amis. Quelle horreur. Sans iPhone t'es has-been. Bienvenue à Paris, 300 jours par an de ciel gris. C'est horrible. C'est ce qui rend les gens aigris. Bienvenue à Paris. J'étais bon là, non? Quelle horreur. C'est vrai que c'est mieux que d'habitude. Bah, il y a c'est gentil, ou? Non, en 5 ans, il y a un peu d'amélioration, mais après, ça n'est pas. Disons qu'il est dans les temps. Sauf que les temps sont multipliés par deux. Il devait se noyer maintenant. Voilà. Ouais, non, il n'est pas dans les temps. Il y a des moments où il n'est pas dans. Multiplie le temps du temps par deux. Ah oui, donc il n'est pas dedans, quoi. C'est ce que je disais. C'est la 4902e prise. Ouais, grave. Ah oui, donc c'est ça, c'est ma première. Ouais, j'étais bon. Oui, c'est ça. Oui. Bon, en parlant de bon, je tiens à rappeler que Roux retentera sa chance aux côtés de Justin Nozuka vendredi. Oui. Il sera de retour et le Roux insiste pour refaire une chanson avec Marc, le guitariste. Ah oui, Marc. Ouais. Pas Marc, c'est le guitariste. Ouais, c'est ouais. Sera surtout, comme la dernière fois. Surtout le guitariste qui a envoyé un mail en disant je ne chante pas avec lui. C'était la condition sine qua non. Voilà. Pour parce que Justin, il s'en fout. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Bon, voilà. Donc, vendredi soir, on recevra Justin Nozuka pour la... Troisième fois. Troisième fois. Bon, ouais. Ben voilà, pour la troisième fois, il sera là. Justin Nozuka à partir de 21h. Le recordman, c'est toujours Jared Leto. Non, trois fois aussi. Quatre, non? Bah non. Tokyo Hotel 4, je crois. Ah oui, Tokyo Hotel 4. 3 ou 4, ouais. Ah non, Jared Leto 15, ça s'arrache peut-être. La première fois, il est venu le lendemain. Il est venu, puis après, il était pas content de son live, mais il est revenu le jour après. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, allez, on a pas fait 4 interviews, quoi, ça je voulais dire. Bon, Tof, on va rappeler des gens, là. Allez, si tu veux, allons-y. On fait la ferme. Comme tu veux. Bon, on fait l'affaire, on appellera des gens après, comme je vois que le roux est au taquet en plus, là. Ah, grave. Ah. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé chez les fermiers Gualan Doula? À Zulumama, il y a Souria qui a donc été sauvé par, par le public. Ouais. Alors, qui était le premier soutien de Souria, si vous avez suivi Greg. Non. Le David Charvet. Ah, donc, comme Souria a gagné, on va avoir le droit à David Charvet au confessionnal. Et qui dit David Charvet au confessionnal dit une leçon de français. Une leçon de français. Cool. Alors voilà la première. Et je remercie le public. Mais il est sympa, il veut remercier le public. Oui, on ne remercie jamais assez le public. Et je remercie le public. Je remercie. Ça, oh, c'est sympa. Mignon. Ensuite, il parle de Michael Vendetta et il explique que Michael va essayer de convaincre les autres de le garder, je dis bien convaincre. Cette semaine, il doit essayer de trouver des autres gens qui peuvent essayer de convaincre. De convaincre. Oui, ouais, c'est quoi le début de cette convaincre. Cette semaine, il doit essayer de trouver des autres gens qui peuvent essayer de convaincre. Nous essayer de convaincre. Il doit essayer, je crois. Cette semaine, il doit essayer de trouver des autres gens qui peuvent essayer de convaincre. De convaincre. C'est dingue, le convaincre. Ouais, enfin, le début de la phrase n'était pas terrible non plus. Ouais, enfin, non, c'est pas terrible. Bizarre, ouais, c'est ouais mais bon, ça, tu fais plus attention au bout d'un moment. Ah oui, oui, bah oui. T'es obligé de faire attention aux gros trucs, quoi, parce que ça, bon, c'est logique. C'était, ouais, c'était passé comme ça. Et une petite dernière sur David Charvet, qui revisite les expressions françaises. Michael, il adore me mettre des bâtons dans mes roues. Dans mes roues, à moi. Mais oui, parce que dans les roues des autres, c'est pas celui-là. Ah bah, c'est pas oui, pareil, alors. C'est pas pareil. Donc voilà, sinon ce week-end c'était surtout l'occasion de voir que la guerre est partie. Ah, ça y est. Putain, j'ai eu peur à un moment. Ouais, ça y est, on va se faire chier jusqu'au bout là. Entre Charvet, Greg et Vendetta, première embrouille, juste pour vous dire, il est 6h30 du matin. Tu sers à rien. Mais laisse-le parler. Mais oui, tu sers à rien. C'est un idiot. T'as un bras cassé toi. Et toi, tu pars cette semaine. Et là, je vais kiffer. Tu sers à rien. T'as pas compris que tu servais à rien. Ouais, ouais. En tout cas, moi ici, je sers à quelque chose. Bah ouais, tu sers à traire les vaches pendant que moi je dors. C'est pas clair. 6h30 du matin. Ah, c'est qui s'embrouille là? C'est Greg, David et Michael. Ah, les trois, ils sont chacun. Ah, ils sont de nouveau là. Ou il y a des clans? Non, t'as le clan. T'as le clan Greg, David, Surya, Kelly. D'accord. Voilà la gueule du clan. Et t'as le clan, le plus gros clan de toute la ferme, Vendetta, Francky Vincent, et c'est tout. Ah oui, gros clan. Ils ont fait un gros clan. Putain, ouais, on est au top là. C'est plus chouette, c'est au début. Hein. Voilà, et ça continue évidemment, c'est pas fini. Mais vous êtes des cas désespérés, on peut plus rien faire pour vous, laisse tomber. Regarde les rires des bras cassés là. Tout ce qui se ressemble s'assemble, les mêmes rires. Vous pouvez c'est tellement l'ambiance. Vous pouvez c'est tellement l'ambiance. C'est la brochette de l'hiver. Brochette de l'hiver. Non, bah, on dirait que les mecs ils ont 15 piges. Mais ils ont 15 ans, ouais. C'est comme ça que ça se dans passe. Dans la tête en tout cas c'est clair. Hein. Donc la ferme est officiellement relancée depuis que l'embrouille est repartie. Allez, dernier petit son. Je suis sûr qu'ils ont fait exprès de relancer la bataille. En tout cas ça a été demandé, non? Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire grand chose avec les goliots qu'il y a là-dedans. Ouais. Ils croient qu'ils sont vraiment teubés en fait. Ouais, je crois qu'ils n'ont pas besoin d'eux. Dernier son, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Monsieur. J'en pleure, tout le monde me dégueule. Je vais mourir. Ah bah y'a une bestiole. Putain. Putain de merde. Putain. Elle s'est fait. Y'a une souris morte, un cafard. Elle a avalé un oignon. Franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit putain qu'est-ce qui se passe et tout, putain il va pour une fois se passer un truc grave, parce que j'étais un peu frustré. Il y a un moment donné il y a Surya qui se fait bouffer par un guépard, mais elle a pas mal. Ouais. Donc je m'attendais à un truc hyper violent. Un petit indice. Tiens. Je peux te dire qu'avant de sucer mon pouce, maintenant je vais réfléchir à deux fois. Bon, ce qui se passe un peu mieux, c'est qu'elle réfléchisse tout le temps avant de. Ouais. Elle a mis son doigt dans un truc et elle l'a mis en bouche. Elle a mis non, elle l'a pas mis en bouche, mais elle a juste mis son doigt dans la merde. Dans la merde. Et elle t'en fait tout un scandale. Oh mon Dieu, mais dégueulasse. Elle s'est lavé les mains pendant 107 ans. Oh là là, c'est cucu. Elle s'amusait à sentir son surtout, doigt. Surtout de la vache, c'est hyper naturel. C'est de la bouse, en plus, c'est vrai, ouais. De la bouse. Bon, c'est tout pour la ferme. Ouais. Très bien. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure s'il se passe quelque chose. Et on appelle encore. Si. Ouais. Est-ce que vous avez vu le mec de Velvet? Non, quoi. Oh, c'est affaire. C'est Vin Diesel qui aurait couché avec Rocky. Ouais, c'est pire. C'est quoi. Hulk. C'est Hulk, le mec. Il a des paluches, des trucs de ouf. Ça me tape sur Google. Attends, comment il s'appelle le muscle ici? Trapèze. Putain, il a des trapèzes. C'est un. C'est une montagne, c'est une montagne. Attends, je tape quoi, je tape quoi? Tu tapes Hulk, tu verras, c'est pas un mec. Non, tape un mec de Velvet, tu vois. Mec. Non, mais Velvet, petit ami. Mec de Velvet. Non, c'est gros ami, c'est pas petit ami. Hein. Bon, c'est énorme, ami. Velvet. Ouais, déjà, ouais, j'ai fait une faute. Hop là. Et maintenant, on va dans les images. Ah oui, d'accord, ok, attends, tu me diras si tu tombes dessus. Non, Velvet, non, il n'y a que des meufs. Les balèzes aussi, mais ouais, c'est... Ouais, les balèzes aussi. Bon, on va chercher, hein. Si jamais on trouve, on mettra sur le blog, vous inquiétez pas. Il est énorme. Bah, il faut bien ensemble. Hein. C'est marrant, je tape. Mec de Velvet, je tombe sur une Audi R8. Ouais. Je vois c'est... pas le rapport, hein. C'est assez bizarre, hein. C'est assez bizarre. Bon, bah c'est pas grave, on va chercher, si on trouve, on vous dit, vous inquiétez pas. On rappellera aussi des gens dans un petit instant avec Toff, et puis on se met un petit peu de zik là. Ina, avec Hot sur Énergie. C'était Ina à l'instant, Hot sur Énergie, 21h minuit, toujours vos messages qui arrivent, évidemment. Et puis, je vais dire, on reparle dans un petit instant de la chirurgie esthétique, mais avant cela, nous allons donc rappeler, encore une fois, des gens afin vendre de voir des organes. S'ils seraient d'accord de vendre leurs organes, afin que nous puissions les acheter, puisque c'est une clinique anglaise qui propose à ses clients un concours avec un ovule à gagner. On a déjà essayé d'appeler tout à l'heure, on a eu un peu de mal, j'avoue, mais au niveau de la langue. Hein, c'est oui, tout ça, le oui je ne sais pas où on est tombé, mais Paris la France n'est plus la France. Hein, ouais, c'est... Bah, ça c'est. Bon. En période d'élection, et c'était bien de le placer. Oui, voilà. Bon, allez, on y va, on rappelle. Enfin, on ne rappelle pas, on appelle à nouveau, c'est parti. On va avoir plus de chance, ce coup. Allô. Oui, bonjour madame. Des organes en vrac à l'appareil. Nous sommes spécialisés dans l'import-export d'organes. Non, merci. Oui, mais je ne vous ai pas expliqué encore pourquoi je vous appelais. Oui. Hein, donc je vous appelle parce que nous sommes à la recherche d'ovules, mais j'entends que chez vous c'est un petit peu tard. Mais par contre, peut-être vous pourriez nous fournir un rein. Bon, je vous remercie, au revoir. Mais attendez madame. Ah bah... Aigreur. Ah bah écoute, en tout cas, une chose est sûre, ils sont gentils. Ah oui, très, oh là là. En gentil et ouvert. Ce que j'aime, c'est, non, ça ne m'intéresse pas. Mais je vous ai pas encore dit. C'est pas grave. Ah bon, d'accord. Bon, on y va, on rappelle. Allez, encore. Vas-y, rappelle. Allez. On va pousser à bout, elle. Mais non, la peau. Allô. Oui, excusez-moi, j'étais au téléphone avec madame, on a été coupé. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Oui, voilà, donc comme je l'expliquais, donc nous sommes des organes en vrac, et donc nous sommes une société spécialisée dans l'import-export d'organes. Mais vous voulez quoi? Vous voulez que je vous donne moins? Par exemple? Ouais, mais ça va pas, non? À quel prix vous évalueriez votre rein? Bah, visiblement... pas très cher, après. Ouais, visiblement pas trop cher, effectivement. Bon, on rappelle encore un coup. Allez, on rappelle. Allez, hop. Salam alaikum. Oui, excusez-moi, nous avons été coupés au moment où vous alliez me donner votre prix pour le rein. Rent, c'est ça, c'est bien? Bien sûr. Yes. Donc, combien pour le rein? 100, ouais. Oui. Qu'est-ce que c'est que vous parlez quelle langue? Artich. C'est mignon. Ah, yes. Oui, moi aussi. Yes. Vous parlez anglais peut-être, nous pouvons peut-être parler en anglais. Ah, not. Hein? Ah, not sure native. Ah, oui, votre anglais n'est pas terrible. Ah, non, ouais. Oui, j'entends ça. On peut essayer en allemand si vous voulez. Ah, non, pas l'allemand. Le néerlandais peut-être. Artich. Oui, c'est pas mal aussi. Hein? Vous maîtrisez pas ce que vous dites. Alors ça, j'avais jamais entendu. Qu'est-ce que sexolos? Non, a priori, il ne maîtrise pas. Qu'est-ce que sexolos, encore une fois, quoi? Je ne sais pas, mais là, je pense qu'on est, on est dans une faille spatio-temporelle. Les gens sont devenus fous. Non, mais on est dans un truc improbable. Bon, c'est pas grave, hein. Vas-y, allez, on rappelle une dernière fois. On rappelle encore un coup. C'est encore Micha, ça, hein, qui a choisi le numéro pourri. Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, écoutez, monsieur. Oui, je fais que ça, madame. Je vous ai dit que ça ne m'intéressait pas. Maintenant, vous insistez, je vais appeler la police, je vais demander qu'on regarde sur ma ligne. Et que ça fait quand même plusieurs fois que vous harcelez. Ah, mais je ne vous harcèle pas, madame, j'essaie juste de... Ça fait quatre fois que vous appelez, là. Mais pas du tout, madame, enfin. Je vous dis que ça ne m'intéresse pas. Mais oui, mais c'est parce que je ne vous ai pas encore dit le prix, c'est pour ça que ça ne vous intéresse pas. Mais je ne veux pas savoir. Bah, attendez, madame, peut-être que si on parlait des conditions financières, ça vous intéresserait. Non, non, non, même les conditions financières, j'ai déjà assez de problèmes de santé. Ben, je viens de faire un AIT, je risque un AVC à tout moment, vous n'allez pas m'harceler comme ça. Mais non, madame, c'est justement, c'est peut-être le moment d'en profiter pour vous débarrasser de deux, trois organes. Non, non, je remercie, ça m'intéresse pas. Et peut-être que vous auriez des gens. J'ai eu votre fille tout à l'heure, peut-être que ça l'intéresserait, elle, de non, donner un ovule. Non, ça ne m'intéresse pas non plus. Ah, c'est dommage, je madame. Je remercie. 10 000 euros quand même, l'ovule. De dons d'organes, c'est bon. Ben, très bien, mais alors, si vous avez déjà votre carte. Vous attendrez que je sois morte. Ah ben non, parce que là c'est gratuit, donc ça ne me rapporte plus rien, madame. Bon, allez, je vous remercie, je vous dis, ça m'intéresse pas. Au revoir. Oh, elle a été cordiale. Ah ouais, t'as été horrible. Ouais, en plus, franchement, enfoiré, elle a déjà les problèmes de santé, je lui dis, ouais, mais c'est pas grave, hein, on peut quand même prendre un petit... Ah oui, mais c'est ça, après ça sera gâché. On peut quand même prendre un petit, on sait jamais. Hein. Bon, en parlant de gâcher, justement, tiens, il y en a un qui a gâché une chanson Tof, donc avec le nouveau sang du Sicrou, rassurez-vous, on vous a mis qu'un minuscule extrait. Hein. C'est le meilleur moment. Tu parles. Rémi qui est là, salut Rémi. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment salut. Ça va? Ça va et vous? Bon, ouais, ça va, ouais. Bon, alors toi, tu as deviné, donc, puisqu'on vous avait demandé, hein, qui c'était la version originale que Tof a flingué, en fait, hein, tout à l'heure. Hein. Voilà, attends, on va réécouter quand même. Sur Facebook, tu n'auras pas d'amis. Sans iPhone, t'es has-been. Bienvenue à Paris. Quelle horreur. Bon, alors, c'est quoi la version originale? Empire State of Mind. Exactement, Jay-Z, Alicia Keys, bonne réponse. Eh ben écoute, on va te filer les cadeaux quand même, Rémi. Hein, t'as trouvé facilement ou tu t'es fait aider? Ouais, j'ai trouvé facilement, ouais. Ouais, bon, et qu'est-ce que t'en penses de la prestation de Tof? On va dire c'est pour elle. Hein, oh. C'est dommage que Virginie Guillaume ne soit pas ouais, venue ce soir comme prévu. Hein. J'avais tout prévu pour elle, quoi. Non, on aurait pu lui proposer ça et tout. Je suis sûr qu'elle aurait demandé à ce que tu viennes dans la nouvelle star. Hein. Bah évidemment, ça, évidemment. C'est évident, c'est évident. Bon, bah c'est dommage. Bon, salut Rémi. Je peux passer une dédicace, Mickaël? Bah vas-y, ouais, profite-en. Alors je fais une grosse dédicace au premier L de Saint-Thomas-d'Aquin, Saint-Jean-de-Luz. Et un bon courage pour les 4 heures de français de contrôle de demain. D'accord, bah écoute, voilà. Message passé, pas de problème. Salut. Salut Mickaël. Allez, à bientôt. Ciao à toi. Bye bye. À bientôt. Bon, on va reparler avec Maxime dans un instant par rapport à la chirurgie esthétique. Et puis, on va s'écouter un petit peu de son aussi tout à l'heure. Owl City, on me l'avait demandé plusieurs fois ce soir. Fireflies. On fait péter ça dans un petit instant. Restez là. Si vous voulez rire, tous les soirs de la semaine entre 21h et minuit, il y a une émission pour ça. Si vous voulez tout savoir sur tout, sans vous prendre la tête, il y a l'émission pour ça. Et si vous voulez vous aussi vous foutre de la gueule de vos people préférés, il y a une émission pour ça. En fait, il y a une émission pour à peu près tout, uniquement sur Énergie. Nickel. 21h minuit. Tous les soirs sur Énergie, en effet, avec vous toutes et vous tous en direct. Et ça y est, on a la photo du mec. Il est beau. Ouais. Une vidéo. À la vidéo du plus impressionnant en vidéo. Ouais, du mec de merde, comment ça s'appelle encore? Velvet, voilà, c'est ça. Alors attention, t'aurais dû me dire, je le regarde plus tôt parce qu'il y a la vitesse ou internet ici là pour l'instant. Attends. T'as vu des images du salon de l'agriculture ou pas? Ouais. Non, j'ai pas vu. Non. Ah bah ouais, c'est pareil. Psychologiquement, fallait que tu te prépares. C'est pour ça qu'il faut mieux laisser. Elle est au début ou les boutons? Ouais, tu vas le voir tout de suite. Ah, direct. Attends, il a plus Fleury Michon là. Ah, bah c'est voilà. Ça le jambon avant, c'est ce qu'il faut. Ah, c'est pas que le jambon là qu'il faut qu'il prenne le gars. Ça va démarrer, attention. Oh, c'est long, putain, c'est long. Oh là là, c'est long. Bah, du coup, on peut pas mettre la photo sur le blog comme je l'avais dit, mais c'est pas grave. Bon. Putain, c'est long là. Non, mais ça a dû bugger, normalement c'est rapide sur le site. Ah, voilà. Oh là là. Oh putain. Ah, il est balèze. Oh la violence. Eh, Mickaël Vendetta à côté, c'est. Bon, déjà qu'il est pas très très non plus. Sa jambe. Il a un peu de vide, hein, Vendetta. Mickaël Vendetta, c'est sa jambe, au gars. Putain. Le mec, il est énorme. C'est un taureau. Franchement, c'est ça. Hein. Et à un moment donné, il bouge. Tu sais, il bouge les bras. Et derrière, tu vois pas le vide, quoi. C'est violent, quand même. Hein. C'est son muscle. T'aimerais bien être comme ça, ou? Regarde, il va bouger. Tu vas voir les équerres. Allez voir la vidéo hein, sur le site de TF1. Regarde, si vous là. Voulez. Oh là là là. Il doit faire 130 kilos, quoi. Enfin, 250. Franchement, moi, je dirais plus encore. Hein. Il a l'air grand. Mais les mains qu'il a. En plus, il est grand. Il a des paléuches, mec. Il a des. Enfin, il a tout. Hein, c'est. Mais il a l'air super gentil. Hein. C'est un truc. Ouais, mais en général, les gens comme ça sont toujours les plus cool. Je sais pourquoi. Énorme. Bah ouais, mais il faut pas le chercher, je pense. Non, je pense qu'il faut pas l'emmerder non plus. Hein, ouais, bah si, mais tu cours. Ouais, tu dois pas pouvoir courir, rire, pour rigoler. Ouais, c'est vrai. Bon, on parlera du problème du forum du jour aussi dans quelques instants. Et avant ça, on va récupérer Maxime maintenant. Salut Maxime. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment salut. Ça va? Bah ça va super, et vous? Bon, ben ça va bien aussi, ça va bien aussi. Alors Maxime, donc on va parler de chirurgie esthétique, on en parlait en début d'émission. Ouais. Alors, quel est ton avis, toi, par rapport à ça? Ah, moi, je suis totalement contre du fait que il y a deux amis, enfin une amie que c'est ma mère, ouais, qui sont opérés et c'était complètement raté. Ouais, c'est un risque. Elles ont fait quoi? Alors Joanne, donc elle a 22 ans, elle s'est fait faire refaire le nez, c'est le boss. Et en fait, le nez, il a été complètement décalé et tout. Elle a souffert de martyr et tout. Maintenant, elle a le nez au milieu de la joue, donc forcément, c'est pas pratique. Gros, qu'est-ce, ouais, que t'appelles, qu'est-ce que t'appelles décalé? Ah décalé, ouais, il était dévié de son ex, quoi. Ah oui, donc en fait, donc elle avait la pointe donc, du nez qui partait à gauche ou à droite, quoi. Ouais, voilà. Elle, quand c'est raté comme ça, elle a le droit de se faire réopérer ou pas? Normalement, il te l'offre la réparation, quoi. Ouais. C'est normal, t'as la garantie. Elle a pas changé, hein. Ah, mais elle en est contente? Non, pas du tout. Ah. Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir un autre chirurgien sur l'île, en fait. Ouais, parce que c'est ça, c'est-à-dire que tu t'es fait charcuter une fois, tu vas peut-être réfléchir deux fois avant de retourner chez le même boucher, quoi. Ah, je pense aussi, ouais. Ça dépend, ça peut être, parce qu'après, l'erreur est humaine, ça peut être un accident. Maintenant, il faut voir si effectivement c'est un accident ou si le mec il a fait de la merde volontairement, quoi. Ouais, volontairement, non. Enfin, volontairement, tu vois. Non, mais on se comprend quand je dis volontairement. Non, mais c'est comme l'autre, là. Je sais plus si vous vous souvenez de cette espèce de chirurgien qui était radié de l'ordre des médecins et tout, qui continuait à opérer. Je sais comment il s'appelle, mais oui, dans un truc de dentiste. Tormort, je crois. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et le mec, et pourtant, tu vois, le mec qui ratait ses opérations, tu sais, et les gens ils y retournaient, donc. Il s'appelle mort. Ouais. Il n'y va pas. Non, c'est vrai que j'avoue que c'est un peu. Ah, c'est idiot. C'est ton gueule. Si t'allais chez ton coiffeur qui s'appelait Monsieur Chauve, faut déjà que tu te poses des questions, quoi. Mais attends, le mec, s'il s'appelle vraiment comme ouais, ça. Ouais, mais je sais pas, moi, ça me bloquerait, moi. Oh. Bah non, mais tant qu'à faire, autant prendre quelqu'un d'autre. Oui, oui, tant qu'à faire. Et donc, tu sais pas si elle veut refaire, les travaux ou pas, toi? Ah si, justement, si, sur l'île, elle va contacter un chirurgien. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, c'est moi qui... Et ta mère, elle avait fait une chirurgie, c'était quoi? Voilà, ouais, en fait, c'était à cause de son pied, elle avait un orteil qui était un peu soulevé par rapport aux autres. Ouais. Donc ça a gêné pour marcher, pour danser, ouais, etc. Et elle s'est fait opérer, et ça a même empiré qu'en fait, au lieu de passer au-dessus, il est passé en dessous. Mais comment est-ce possible de... T'sais, ouais, voilà, mon pied, il va trop haut, on va faire la réparation, vous inquiétez pas, et tu le mets en dessous. Voilà. C'est bizarre. Tu vois, genre, de la chirurgie low cost ou quoi? Ah oui, mais c'est ça, hein. Ça doit être ça, à mon avis, hein. Les trucs moins chers avec des gens qui font ça vite fait, sans règles, etc. Et puis, t'as les gens aussi, qui font des voyages organisés, je crois, c'était en Tunisie ou en Turquie, je sais plus. Tunisie, où en fait, les gens, ils partent et t'as des cliniques là-bas hyper spécialisées qui ne font que ça, où tu restes genre ta semaine de vacances et au lieu de... Ah ouais, j'ai déjà compris. Sur place, par contre, si t'as un problème quand tu reviens, t'es là-bas, donc c'est un peu galère. Déjà, et puis surtout si t'as un vrai problème, porter plainte contre des gens qui sont même pas dans le pays, c'est vraiment une galère. Mais après, a priori, moi j'avais un reportage, c'est des trucs hyper luxe avec des chirurgiens hyper réputés qui font le truc, quoi. Ah ouais. Faut voir, après c'est vrai que ça peut être moins cher, il y a peut-être moins de taxes ou des trucs comme ça, mais c'était des voyages organisés, quoi. C'était ouf, ils organisaient des tests comme quand tu pars en club, sauf que c'est club chirurgie, quoi. Ah ouais. Je sais pas, moi j'y réfléchirais quand même. Bon, après, à voir, chacun fait comme il veut. Merci Max d'être passé, tiens au courant pour ta mère, pour voir si au final ça va s'arranger là. Ouais, je vous appellerai, puis est-ce que ça passe une petite dédicace? Vas-y, ouais. Alors, je vais faire une dédicace à ma copine Justine, à mon petit groupe préféré Marie-Clément Julien, à Ophélie que j'aime, Wonder Smokers, que je pense que Mickaël pourrait te plaire, c'est un super groupe de rock sur Cambrai. D'accord, vas-y, envoie le MP3 si tu veux sur mon mail. Ouais, ok, pas de problème. Mais aussi à Florentin, mon voisin qui nous écoute, Victoria, Alexis, Messi et à toute la première STG comme de Saint-Lic-en-Bray et Morgane Paris qui doit faire une dédicace à Sandro qui l'aime fort. Voilà. Qui l'aime fort, je crois. Je crois qu'il aime pas. J'ai dit qu'il a intérêt. Qui l'aime fort, d'accord, ok. Le message est passé, Max. Salut à toi. Ouais. Allez, à bientôt. Ciao. Bon, on aura Brenda dans un instant qui voulait donner son avis. On rappellera des gens aussi par rapport aux ovules là pour voir si il y a encore moyen d'en acheter ou pas. Hein. Enfin, encore moyen. C'est-à-dire que c'est pas comme si on avait réussi une fois, mais on va essayer. Pour le moment, c'est un échec cuisant. Voilà. On aura le Mac du jour. On aura peut-être Monsieur X aussi ce soir. Hein. On va voir s'il passera. Et puis on envoie un peu de son maintenant. Owl City. On l'avait demandé plusieurs fois ce soir. Eh ben, on va mettre maintenant Fireflies et continuer à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook avec les cadeaux de Justin Bieber à gagner. MIKL.fr, cliquez sur la communauté pour venir nous rejoindre. Il y a Mathilde, Checker, il y a Aubry, il y a Elodie, Swazik entre autres. Bonne chance tout le monde, on revient juste après. C'était le son d'Old City, à l'instant Fireflies sur Énergie. On va se faire un petit JAV ou un chéri, je t'ai fait cocu. Et par rapport aux appels justement qu'on a fait avec Tosseller, il y avait ça qui dit, mais comment Michel choisit les gens que vous appelez? Est-ce qu'il a un annuaire spécial Jean pas normaux? Je sais pas, même parfois je me demande. Ouais, spécial bah, Goliot, ouais. Ouais, peut-être, je sais pas. Et puis il y a un message aussi qui dit, waouh, je pensais que la chanson que Toff chantait c'était La vie en rose d'Edith Piaf, c'était quand même un autre registre. Ah oui, ouais, c'est pas pareil. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis il y a un message aussi qui dit, moi mon orthodontiste s'appelle Sucré. C'est Delphine qui a envoyé le message. Oui, c'était par rapport à Roux qui avait fait la remarque tout à l'heure. Oui, mais comment est-ce qu'on peut aller chez un médecin qui s'appelle Mort. Ouais. Ah, franchement, un médecin qui s'appelle Mort. Bah, ouais, oui. C'est mauvais présage quand même. Ouais, hein. Et pas forcément, pas forcément. Non, mais bon, c'est enfin, cherché. Peut-être, mais ouais, c'est chaud. Pas forcément. Oui, oui, oui. Et quand tu y vas, tu sais que tu sais. Enfin, tu te dis, c'est pas forcément qu'on va avoir un problème. Donc, tant qu'à faire, tu vas pas chez le docteur Mort. Tant qu'à faire. Sauf si on te l'a recommandé et qu'il est très très bon. Ouais, mais là, je pense que c'était pas le cas. Ouais, après, c'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est un garage. Bon, problème du forum du jour. Ah. Allez. Problème du forum du jour maintenant, c'est. Alors. Delphine qui a envoyé un message. Oh, vieux message, mais c'est pas grave. Hein. 1998. Non, on n'abuse pas. Bonjour à tous. 4 points de suspension. Voilà, 4 points de suspension. Mon chéri et moi faisons l'amour tout le temps. 4 points de suspension. Quoi, 4 en plus? Je sais pas. Parfois 5 à 6 fois par jour et depuis quelques jours, 5 points de suspension. Lui a le gland et le frein qui pèlent et moi j'ai l'entrée du vagin à vif. 4 points de suspension. Je voulais savoir si cela est la conséquence de la fréquence de nos rapports et si cela vous était déjà arrivé. 4 points de suspension. Pas du tout. Merci. C'est dû au froid. Non, combien de fois? Ouais. 6 fois, 5 à 6 fois par jour, et ce depuis quelques jours. Et donc, il a le gland et le frein qui pèle, et elle a l'entrée du vagin à vif. Alors, il y a des messages qui sont arrivés en disant mycose sans hésitation. T'aurais pas des mycoses. Donc ouais, il y a peut-être de ça aussi, hein, Toff. T'as déjà eu des mycoses, toi, non? Des mycoses, non, j'ai jamais eu. T'as jamais eu une mycose de la bite? J'ai jamais eu une mycose de la bite. Putain, et toutes les merdes que tu fais avec, ouais. Pourtant, ça m'étonne. J'ai déjà eu des furoncles sur la bite, mais j'ai jamais eu de. Hein? C'est vrai? C'est vrai. Furoncle. Ouais, t'es un gros. Mais oui, mais oui, mais à ce moment-là, la meuf, elle kiffait, il y avait une boule en plus. Ah, mais oui, ça lui faisait deux boules avec le piercing. Comment t'as fait? Comment j'ai fait? Bah, j'ai désinfecté. Non, mais comment t'as fait pour l'attraper? Ah, ça, je sais pas. Attends, mais comment on peut avoir un furoncle? C'est pas. Enfin, ça doit pas pousser là. Bah, ça doit pas pousser, ça pousse où ça veut. Bah, sur un gland. Non, c'était pas sur le gland, c'était sur la bite, quoi, pas sur le gland. Ah, d'accord. Ouais, mais même, tu trouves ça normal, toi? Ouais. C'est que t'as mis tes doigts dans un truc pas très propre et qu'après t'as touché ta teub. Oui, ça c'est possible. Ah, bah, je vois que ça, hein, en fait, tu t'es pété un bouton et tu t'es branlé derrière, quoi. Peut-être, ouais, je sais plus comment j'avais fait pour l'attraper, mais bon, voilà, du coup. Alors, il s'est fait une autofellation, il a mis sa bite dans sa bouche. Non, ça je peux pas, je suis pas assez souple. J'ai essayé. Ah, bien sûr, j'ai essayé. Dans toute ma jeunesse, c'était mon propre kiff, pouvoir m'auto-sucer, plus avoir besoin de meuf. Tu veux qu'on essaye? Non, tu dois être souple. Non, j'ai déjà essayé. Non, mais je t'appuie. Même si t'appuies, j'y arrive pas. Mais c'est, faut de l'entraînement. Je suis trop raide. Mais non, mais il faut de l'entraînement, c'est de la souplesse. Hein. Ouais, on travaille au jour le jour. Hein. Bah si. Non, je disais que c'est pas le problème qu'il était trop raide, c'est qu'il y avait une bite trop petite. Ouais, voilà. Ah oui, non, mais s'il travaille bien sa souplesse, il n'y a pas de raison. Ouais. Mais enfin, je sais pas, parce qu'il paraît qu'il faut quand même s'enlever une côte, hein, pour pouvoir. Ouais, il paraît aussi, ouais. C'est-à-dire que même si j'étais assez souple et malgré ma bite normale, quoi, j'y arriverais pas. Bah, dans les cirques, on les voit bien, les gens qui font ça, ils y arrivent, hein. Ouais, bah, ouais, c'est possible, donc c'est possible. Ouais, mais eux, ils split puis qu'ils sont tout. C'est d'entraînement, voilà. Ouais, c'est d'entraînement, ouais. Ouais, mais franchement, ça vaut la peine. Comment s'entraînement dès ce soir? Hein. Bah, mais voilà, leur corps, il a toujours été habitué à ça. Moi, j'ai jamais rien fait comme si, corps. Si tu fais ça. Mais oui, mais si n'est-ce pas? Dans 2 ans, tu peux le faire. Voilà, ouais. N'est-ce pas, Roger? Ça vaut quand même le coup. De quoi? Ah bah de s'entraîner pour sucer la bite. Ah ouais, tiens, bah, c'est chacun son délire, hein, mais. Quelle horreur. C'est dégueu, ouais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Ouais, je sais bien, mais du coup, depuis, je me suis rebattu sur les meufs, mais ça passe toujours bien, quoi. C'est surtout qu'il est tellement barré qu'il se ferait des autofaciales, ce con. Évidemment. Pour voir ce que ça fait. Et dans la bouche, mais sans prévenir. T'es un mytho, Toff. Ouais, quoi, franchement. Tu t'en mettrais pas plein la gueule. Oh, si, pour le kiff. Non, arrête, c'est pas vrai. Dans la barbe. Non, c'est pas pourquoi vrai. Pourquoi pas? Quelle horreur. Parce que tu sais que c'est une tannée derrière pour être nettoyé tout ça. C'est pas faux. Non, ouais, c'est pas ça, c'est pour sa peau surtout. Ouais, mais si, je le ferais pour une peau très fragile. Franchement, pour sa lèpre, ce serait bon, hein. Je le ferais peut-être une fois ou deux sous la douche, c'est pour me marrer. Ah, c'est drôle, hein. Bah oui. Mais oui, c'est drôle. J'ai une faciale. Je suis sûr que si vous pouviez le faire, vous le feriez non. tous au moins une non, fois. Non, jamais. Mais... Alors, pas de la faciale. Hein. Ah ouais, l'autofellation. Je parle de l'autofellation. Vous auriez tous fait au moins j'aurais une fois. J'aurais essayé de voir si c'était possible d'y arriver. Mais non. Non, t'aurais fait essayer de voir si c'était possible d'éjaculer, je suis sûre. Non. Sandro, elle se fera l'autocuni, ouais, évidemment. On se touche bien, donc je vois pas pourquoi on le ferait pas si c'était acté. Parce si que c'était comme ça et normal. Langue. Bah, mais c'est ta langue, quoi. C'est ta langue, c'est ta bouche, déjà. Je sais pas. Mais alors, toi, au moins, tu sais où tu l'as laissé traîner. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est que t'acceptes qu'une meuf te suce la bite, mais toi, sucer la tienne, ça ne va pas. Bah, non. Bah, c'est pas pareil, c'est pas ta bouche. Ouais. Mais oui, mais après, mais c'est parce que vous avez grandi comme ça. Et oui. Oui, oui, après, ça, c'est possible, hein. C'est possible. C'est débile bon. Comme réaction. On appelle, on en parlera tout à l'heure si vous avez déjà eu des mycoses au niveau de la teub, au niveau de la chatte, les filles. 612, débutez par énergie ou sur mikael.fr. Venez discuter avec nous de ça et d'autre chose sur le groupe Facebook. Donc, cliquez sur la communauté sur mikael.fr. Attends, faut on appelle déjà encore? Si tu veux. Allez, pour essayer d'acheter des ovules. On y va. Ou des organes. Hein. Oui, allez hop. Tombé que sur des vieux. Hein. Moins fort, Micha. Allô? Oui, bonjour madame, la société Organorama à l'appareil. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que nous sommes spécialisés dans la vente d'organes. Et donc, je vous appelle parce que nous sommes actuellement à la recherche d'ovules. Et donc, j'aurais voulu savoir si j'aurais pu vous acheter quelques ovules. Mais vous faites erreur, monsieur. Ah non, pas du tout, madame. Bah oui. Bah écoutez, donc, quel serait votre prix pour un ovule? Et vous trompez de numéro, monsieur. Ah non, pas du tout, madame. Mais oui, monsieur. Mais pas du tout. Bah oui. Pourquoi vous n'avez plus d'ovules, peut-être? Vous trompez de numéro, monsieur, bonsoir. Mais attendez, madame, je ne peux pas me tromper de numéro puisque c'est vous que j'appelle. Ben oui, mais pourquoi je vais vous fournir des ovules? Pour l'argent, madame. Ben oui, mais j'ai pas besoin, monsieur. Vous n'avez pas besoin d'argent, madame? Pas du tout. Oh, madame, pas à moi. Voilà. Hein? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Félicitations. Ouais, bah... Est-ce qu'elle avait l'air lourde, elle? Celui-là, il est pas mal, hein. Bon, on appelle un autre? Allons-y. Non, allez. On la rappelle, elle. On rappelle, elle? Bon, allez, rappelle, elle. Allez, on rappelle. Puis elle a l'air tellement gentille. Tellement cordiale. Un amour de femme. Mais oui. Et puis en plus, elle est longue. Hein. Oui, allô, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous me disiez bonsoir, nous avons été coupés. Mais alors? Je ne sais pas. Généralement, quand on dit bonsoir, c'est pour entamer la conversation. Mais je n'ai pas de conversation entamée avec vous, monsieur. Ah, bah si, puisque nous n'avons pas encore discuté du prix. Mais je vous dis bonsoir, monsieur, rapprochez. Ah ben non. C'est-à-dire que si on se dit bonsoir... Mais écoutez, vous voulez que je sois vulgaire avec vous? Ah, écoutez, madame... Bon, eh bien, écoutez, ne m'appelez plus, c'est tout. C'est vulgaire, ça. Elle s'est barrée, nous. Ah, elle est nouveau parti. Ah, oh, c'est vulgaire. Allez, oui, ne m'appelez plus, c'est tout. Allez, on rappelle encore un coup, ça me fait plaisir. C'est pour moi, c'est moi qui régale. Du château, quoi. Oui, allô, je ne sais pas ce qui se passe. Chaque fois, nous entamons la discussion et ensuite le téléphone se coupe. C'est vous savez, monsieur, ce que je vais vous dire? Non, dites-moi, madame. Vous m'emmerdez. Je ne comprends pas. Enfin, je vous appelle pour vous faire une proposition plus qu'alléchante. Ouais, partez nous. Non, belle, c'est pas grave. On va laisser un peu se reposer, hein, de s'éloigner encore un petit peu plus de son téléphone, puisque en 30 secondes, elle a le temps de se retrouver. Limite, elle se remet dans son lit, donc c'est parfait. Non, je suis sûr qu'elle doit regarder le téléphone et elle doit dire non, je décroche pas. Et puis, j'en ai marre, décroche. La tentation est trop forte. Bah, c'est peut-être ça. Donc, on rappelle dans quelques instants, on fera un petit GAV ou un chéri, je t'ai fait cocu aussi dans quelques secondes. Et puis, on se mettra un petit peu de son avec Lady Gaga et Beyoncé. Voilà le son Lady Gaga avec Beyoncé. C'était Téléphone sur Énergie. On va sélectionner quelqu'un dans un instant. Au hasard, comme on fait d'habitude, hein, sur le groupe Facebook par rapport à Justin Bieber, puisqu'on vous file la possibilité de venir jusqu'à Paris, tout frais payé, pour venir écouter en exclu l'album de Justin Bieber à Paris, donc le vendredi 19 mars chez Universal, à la maison de disques donc. Et si vous voulez gagner ça, il suffit simplement de venir sur amical.fr. Ne surtout pas spammer, ce qui veut dire envoyer 15 fois le même message, voire plus. Ça ne sert à rien. Quand je dis 15 fois, ça veut dire que vous ne devez pas l'envoyer 10 fois non plus, hein. Même 5 fois, une fois. ça ira très très bien, vous inquiétez pas. Mickaël.fr, cliquez sur la communauté, vous pourrez comme ça venir nous rejoindre sur le groupe Facebook ou sur le Twitter de l'émission. Avant de faire le JAV et avant de reparler de chirurgie, on va rappeler encore un petit coup la dame là qu'on a eu pour les ovules, pour l'achat d'ovules, qui a l'air très charmante. Oui, très très gentille. Très très gentille, voilà, c'est ça. On va la rappeler encore un petit coup maintenant. Allez, c'est parti. Non, elle a l'air gentille, c'est dommage de rester là. Ça sonne. Oui, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vous appelle pour vous proposer quelque chose d'alléchant et de rémunérateur, et vous me jetez comme ça. Et alors ? Bah, je ne comprends pas. Généralement, quand on appelle les gens pour leur proposer de l'argent, ils ne répondent pas comme vous. Mais moi, je n'ai pas besoin d'argent, monsieur, je vous l'ai déjà dit. Oh, écoutez, madame, tout le monde a besoin d'argent. Mais moi, j'en ai pas besoin. Oh, arrêtez, je sais bien que vous en avez besoin, que vous essayez de faire semblant, là. Et moi, je vous fournis des ovules et vous me fournissez du sperme. D'accord, pas de problème. Ça, nous pouvons faire affaire. Hein, écoutez, vous voulez un échange standard, un échange de marchandises ? Oui, elle aurait aimé, oui. Si elle était en ligne, elle aurait peut-être dit oui. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, on la rappelle, je suis sur un dos, là. Oui, bah, t'es sur un dos de rien, ouais. Votre nom, Laurent, hein? Ah non, pas tout à fait. Ah non, je ne crois pas. Ah oui, vous m'avez... Je crois que c'est Laurent. Ah, écoutez, non, je ne suis pas Laurent. Ah oui. Ah non, non, je vous assure, je ne suis pas Laurent. Ah oui, allez, monsieur, bonsoir. Ah oui, c'est Laurent. Ah, c'est Laurent. J'imagine bien te faire ça, tu sais, des appels bizarres comme ça, mais même quand il n'est pas en émission. Ah ouais, avec son portable, c'est il a le week-end. Pas limité, donc, mais le week-end le soir, quand il n'a pas trouvé de proie. C'est exactement ça, de proie. Ouais. Exactement. Vas-y, on le rappelle une dernière fois. Bon, une dernière fois. Ah ouais, faut que je lui dise, c'est pas Laurent. Bah, je vais être encore à 10 km de son téléphone. Ah oui, c'est à nouveau, ça fait 6 ans. Il y a peu de temps pour parler maintenant, tranquillement. Tant qu'elle met la vieille. En même temps, elle a quel âge ? Allô ? Oui, allô, excusez-moi, je crois qu'il y a dû y avoir une petite erreur, je m'appelle Pierre. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose, monsieur. Oui, je vous écoute. Moi, je suis sur écoute et demain matin, je saurai qui m'a appelé. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mis à l'amende là. On est grillé. Ce qui est bien, c'est que partons de la France. Non mais ça veut dire qu'elle a déjà fait des conneries s'il est sur écoute déjà. Ouais. Tu vois, ça veut dire que les flics sont déjà à son cul, donc. Non mais arrêtez. Enfin. J'aime bien le. Non mais non. Demain, je saurai qui m'a appelé. Mais non mais pas. Écoutez monsieur, si on fait ce genre de conneries là, c'est qu'on sait, tu vois, sait, que ça n'existe pas. Non, mais c'est surtout je que suis sur écoute et j'ai demandé un mandat. Tu ça vois, fait 5 ans qu'on nous dit oui, demain vous verrez, vous aurez les flics au cul. Il y en a qu'un qui nous a cramé. Ah bon? Ouais, bah c'est Élisée. Ah oui, mais ah c'est oui, non, mais parce qu'il écoutait, il savait que c'était nous. Non, mais non, parce que je pense qu'il a des amis qui s'appellent les RG. Voilà, et que, à mon avis, je crois qu'il. Ça fait peur. Il faut que des BD. Non, mais là, pour la peine, quand t'appelles. Est-ce que RG pourrait me dire si Michael est vivant ou pas? Bah peut-être, qui sait. Mais là, quand t'appelles à Élisée, en revanche, c'est que, effectivement, si t'appelles plusieurs fois, ils savent directement te tracer. Ah bah oui, non, mais oui, c'est pas le problème. Ça, y a pas de problème. Eux, en fait, même si ton numéro est masqué, ils vont. Ah oui, ah ouais. Ah d'accord. À l'accueil, comme ça? Ouais, oui, ça m'étonnerait pas du tout. Je pense qu'il y a moyen. Bon, on va faire un petit JAV maintenant avec Angelo qui est là, 21 ans de Strasbourg. Allez, salut Angelo. Salut. Ça va? Salut Angelo. Bon, très bien. Je tiens à rappeler qu'en début d'émission, Micha nous a vendu ce JAV en premium. Comme exceptionnel. Ce qui veut dire que on est censé se marrer à partir de maintenant. Vous êtes censé, voilà. Ouais. Au moins là, vous y mettez du cœur, on y croit plus. Non, on n'y croit c'est plus ça. Du tout. Ouais. Aussi. Bon, Angelo, on va donc appeler qui pour ce GAV? En fait, on va appeler ma mère. D'accord. Oh non, Angelo, pas la maman. On essaie d'en croire que en fait, tu fais de la bleue de Strasbourg, mais tu t'es attrapé par la police. On entend rien ce que attends, tu dis. Faut que tu parles un peu avec ton téléphone, moins près de ta bouche. En fait, on va appeler ma mère. Non. Ouais, bon, écoute, on fera avec. Attends, mais tout à l'heure, tu parlais bien là. En fait, on va appeler ma mère. pour lui dire, en fait que je me suis arrêté par la police. Ouais. Parce qu'en fait, je fais pousser de la beuh. Ouais. Après un jour et que je me suis fait arrêter. Le problème, c'est que, la police m'a arrêté, mais que eux, je dois faire croire à ma mère en fait, que eux aussi ils ont un peu bu et qu'elle doit venir me chercher au commissariat parce qu'elle a une grosse amende à payer. D'accord, surtout, ouais, commencé à fumer ta plantation. Sortir, d'accord, et alors surtout, faut que tu balances à un moment, pas au début, mais après, que, en fait, pour avoir une. Avoir moins d'amende, tu t'as balancé ta mère comme quoi c'est elle qui fait pousser, quoi. Ouais. D'accord, ok. D'accord. Et t'as pas un kit manip, t'as pas autre chose, là? Comme téléphone? Non, mais j'ai rien. Ah, non, le téléphone, c'est un vieux téléphone. Ah, ouais, on confirme. Bon, on y va, c'est parti, on appelle. Bonne chance. Merci. On est au commissariat de Strasbourg, c'est ça? C'est ça. Très bien. Lequel? Le Cronenbourg. Le Cronenbourg? Commissariat de Strasbourg à Cronenbourg. C'est pas possible. Allô? Ouais, maman? Oui. Excuse-moi avant de te déranger. Écoute, j'ai un gros problème. Mais c'est qu'en fait, j'étais à Strasbourg, en fait, j'étais poussé le plan de bœuf. Et le problème, c'est qu'actuellement, là, je suis au commissariat pour une sixième parce qu'en fait, j'ai une grosse amende, enfin, une grosse amende à payer. Mais parce qu'en fait, parce qu'en fait, j'étais piqué de la bœuf, je me suis arrêté par la police. Mais le problème, c'est qu'eux, ils ne sont pas neutres non plus, puisqu'ils m'ont fait un peu picoler. Et en fait, j'ai été à une amende de 350 € à payer. Sinon, je dois rester au poste. Et tu restes au poste parce que de toute façon, moi non plus, je n'ai pas l'argent. Mais maman, je n'ai pas cet argent. Mais le problème, tu sais, c'est qu'actuellement, j'ai dû te balancer, j'ai dû te dire comme quoi c'est toi. Mais tu restes au poste et puis c'est tout, Angelo. Moi, je ne vais pas au commissariat à cette heure-ci, premièrement, et puis deuxièmement, je n'ai pas l'argent. Mais maman, attends, je te passe le policier. Attends, il va mais parler. Je m'en fous du policier. Je te le passe, Mais tu peux me le passer, je l'envoie bien vite. Je te le passe. Monsieur, oui. C'est pour vous. Ah, qui est-ce? C'est pour vous. Non, c'est pour vous. Vous le gardez au poste. Moi, j'ai pas l'argent, puis je ne viens pas au commissariat à cette heure-ci. Allô, bonsoir. Bonsoir. Commissariat Strasbourg. Eh ben tant mieux, ben, qui reste au poste. Non mais attendez, je comprends pas. Qui êtes-vous, madame? Ben je suis son... je suis pas sa mère, mais je suis son ancienne assistante d'accueil. D'accord, ok. Donc c'est ainsi dire sa maman, quoi. Ainsi ouais, dire, voilà. Pour ainsi dire, Bon, alors écoutez, madame, les choses sont simples. Hein. Donc là, il a été arrêté effectivement pour possession et puis parce qu'il crée, hein, si vous voulez, des plantes. Je ne sais pas si vous savez comment ça marche. Bah oui, puisqu'il nous a dit que c'était elle qui le faisait. Oui, c'est vrai, effectivement. Donc lui, nous a dit effectivement que c'était vous qui étiez derrière, derrière tout ça. Hein. Comment? Non, excusez-moi, je m'entends quand même. Tu dis, vous dites? Vous permettez que j'avale? Oui, bah allez, faites comme vous voulez. Allô? Mais quel enfoiré de première! Oui, ah bah écoutez, ça c'est. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Mais Non, attends, c'est. Mais ça c'est la tête du truc. Mais écoutez. De toute façon, on va venir la chercher. Non, hein. Oui, vous oui. Attendez, monsieur, venez voir me chercher, puis je vais vous battre les fesses, moi. Non, écoutez, un petit peu de respect, vous parlez à des gardiens de la paix, hein. Mais justement, alors pourquoi il vient venir me chercher? Ah, écoutez, nous. Non, écoutez, alors vous gérez l'enquête ou je gère l'enquête? Bon, excusez-moi. J'ai cru que vous gériez pas tant que ça. Bon, alors, justement, donc concrètement, donc là, il nous a dit qu'effectivement, vous étiez derrière, derrière toute cette histoire. Donc, nous, il faut qu'on tire ça au clair. Allô? Je suis toujours là, j'essaye de me calmer. Non, mais calmez-vous, madame, vous inquiétez pas, ça sert à rien, de toute façon, le mal est fait. Hein. Bon, est-ce que vous pouvez me dire combien de plantes vous avez chez vous? Une centaine, milliers, 100 millions, 1 milliard. Ah oui, bah dites donc, alors ça va faire. Vous habitez où, dans un château? Ah, on est venu, les bains. À Honolulu, les bains. Alors, je note, hein, madame. Parce qu'elle a consommé, hein, manifestement. Non, écoutez, arrêtez, j'ai assez de problèmes comme ça. Honolulu, les bains. Écoutez, je regarde où ça se trouve et je vous repasse votre fils. Écoutez, attendant. Vous le gardez pour la nuit, moi, je veux pas l'argent. Jeune homme, je vous repasse votre dame, votre maman ou votre assistante. Honolulu, les bains. Votre maman. Allez, écoute, un enfoiré de première, je ne te cause plus. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je te marque à les plans, espèce de connard? Mais j'ai plus rien. Comment ça, tu n'y peux rien? Assume tes conneries! Mais je pensais pas me faire attraper par la police! Eh ben, t'es un connard! Mais non! Bon, donc on a regardé au Nulu les bains, donc ça n'existe pas, hein. Bon, allez, bon, ça. Bon, ça a terminé la soirée. Au revoir, messieurs. Allô? Allô, madame? Oh, elle t'a dit au revoir! Eh, hey, Angelo, mais t'es un dingue, la pauvre, là, on va la rappeler, hein. Voilà, ouais, mais quand même, la preuve va t'inquiéter grave. Ah oui, bah attends, on rappelle. Allez. Ça va pas la faire rire, elle. Non, non, là, je crois pas, non. Sur le téléphone. Oui, je te confirme. Oui, c'est le décroche. Écoutez, la blague, allô, elle est de mauvais goût. Allô, ça madame. Pas avec moi. Allô, madame. Oui. Au commissariat. Non, vous êtes autant au commissariat que moi, je suis sur la lune. Vous êtes sur la lune. C'est une blague de mauvais goût. Non, écoutez, allô, madame. Oui. Allô, madame, ne raccrochez pas, s'il vous plaît, hein. Vous faites une blague de mauvais goût. Non, écoutez, c'est pas une blague, c'est le commissariat. Pas du tout, à 11h du soir. C'est le commissariat de Strasbourg, madame. Oui, mais qui c'est qui me le prouve? C'est par téléphone? Bah, je suis un agent assermenté. Le oui, fait c'est de, ça, le donnez-moi fait votre vous... numéro. Alors, vous avez le coloté? Non. Ah, non, pas envie. Bah, écoutez, vous me demandez mon numéro de matricule, je vous le donne. Écoutez, arrêtez donc, maintenant, c'est une blague de mauvais goût d'Angelo, et puis c'est tout, je prends ça pour une blague. Puis je vais plus m'énerver, d'accord? Bah, vous avez raison de ne plus vous énerver, cela dit en passant, effectivement, c'est bien, madame, et c'est sage. Mais à côté de ça, il va falloir, effectivement, payer 350 euros. Ah, il est 23h. Écoutez, vous le gardez pour la nuit, il a qu'à assumer, il lui a fait ses conneries, là. Je dis que c'est vous! Alors, attendez, excusez-moi, les cloches qui sonnent, là, c'est pas au Nonu les Bains, ça? Il n'y a pas d'église? Et vous êtes au commissariat de la Lune? Non, de Strasbourg. Ça, ça existe, Strasbourg? Ah oui, plus qu'au Nonu les Bains. Non, bah écoutez, la blague, elle, c'est très bien, on arrête la blague. Vous avez bien passé une bonne soirée, il a bien passé une bonne soirée. Bon, ben c'est terminé, maintenant je vais me coucher, puis c'est tout. Bon, Angelo? Ouais. Bon, allez, dis-lui, ta pauvre mère, là. C'est pas, ouais, je suis pas pauvre, je suis... Oui, enfin, ouais, façon de parler, madame. Maman, c'est une blague d'énergie. J'étais bluffé, là. Tout un connard, j'ai déjà tellement de problèmes aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol. Non, mais madame... C'est pas le moment. Mais il faut pas le prendre comme ça. Bah écoutez, j'ai tellement de problèmes en ce moment. Mais oui, mais j'ai compris. On va vous envoyer maman, un petit cadeau. Et à lui aussi. Christiane? Oui. On va vous envoyer un petit cadeau. Vous aimez bien Christophe Maé? J'aime bien Christophe Maé. Eh ben parfait, on va vous envoyer un petit cadeau Christophe Maé, vous allez rester au standard, c'était le GAV. Hein. Angelo? Ouais. T'es un chien, t'es un con. Ah oui, mais enfin bon, après, ta mère elle gueule, et elle a raison. Et elle a raison. Oui, mais après, tu demandes du premium à Michel, il te fait du premium. Bah oui, mais enfin, et elle a raison, et elle a raison. Bon, Angelo? Ouais. On va quand même te filer le pack Nintendo Wii, ok? Merci. Je te renvoie chez Michel au standard. Oh, je vais le tuer. Ah oui, mais enfin bon, à ce moment-là, vous aurez vraiment les flics au téléphone. Hein. Surtout, vous n'aurez pas votre cadeau Christophe Maé. Et puis en plus, vous n'aurez pas votre cadeau Christophe Maé, c'est dommage. Bon, Christiane et Angelo, je vous renvoie chez Michel au standard. D'accord. Au revoir, Christiane. Au revoir. Allez. Ah, elle sourit. Oh, elle sourit. La vie pas trop mal. Voilà, c'est ça. La vie continue. Mais oui. Hein, surtout à son âge. Avec son connard de fils. C'est clair. Allez, Michael Bublé, on écoute Haven't Met You Yet. Et puis on revient juste derrière avec le Mac du jour. Et si vous voulez faire un petit GAV ou un petit chéri, je t'ai fait cocu. 612, débutez votre message par NRJ. Le son de Michael Bublé à l'instant, Haven't Met You Yet sur NRJ, et on va se faire péter directement là, le Mac du jour. Bienvenue à tous, donc dans ce Mac du jour, un tour d'horizon de l'actu condensé et revu à notre sauce, et on attaque avec ce premier titre dans l'actu. Évidemment, ce sont les élections régionales, on votait ce dimanche en France. Ah bon? Et oui, comme Sandro, c'est plus de la moitié des Français qui ont fait preuve d'abstention. On dit abstinence, non? Non, abstention. Abstinence, c'est plutôt pour le cul. Oui, donc c'est bien ce que je dis. Éviter de se faire enculer, c'est de l'abstinence. Ouais. Les résultats de ce premier tour, c'est donc la gauche en tête, l'UMP derrière, suivi par les écolos et le FN. Eh, mais si je crée un parti de l'abstention, vous croyez que je gagne? Bah, je sais pas, ce serait quoi ton programme? Bah, l'abstention, tu fais rien. Ouais, bah je suis pas sûr. Hein. Bah pourquoi Rachida Dati elle fait pareil, ça marche. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, vu comme ça. Bon, en tout cas, l'UMP se dit victime des gens qui n'ont pas été votés. Ouais, genre tous ceux qui n'ont pas voté, ils sont UMP. Bah c'est possible, hein. Les écolos, à part jardiner le dimanche, ils ont rien à faire. Alors bon, alors que les patrons, tu vois, d'entreprises et les riches, ils ont du boulot, des voyages d'affaires, ils ont pas le temps d'aller voter. Ouais, donc il reste que les gens normaux qui eux votent PS selon toi, Tof. Exactement. D'accord, mais alors comment t'expliques les scores du Front National alors? Bah dans toutes les élections, il y a toujours beaucoup de votes blancs, bien blancs. N'importe quoi. Bon, et puis élection toujours en Irak. Cette fois, on votait la semaine dernière et les premiers résultats sont plutôt favorables pour le Premier ministre Al-Maliki. Résultat définitif prévu pour jeudi. 11 jours pour avoir les résultats d'une élection, c'est vraiment le tiers-monde l'Irak. Oui, je rappelle que le second tour des élections en France, ce sera dimanche et le résultat lundi, soit 9 jours après le premier vote. Hein. Ils ont raison les Irakiens, faut pas aller trop vite. Ouais. Et enfin, élection toujours en Russie cette fois, après sa visite à Paris, le président Medvedev déchante puisque son parti Russie Unie est en recul dans son pays. Oui, apparemment depuis peu, les Russes trouvent que Medvedev est un peu casse-pied. Et on passe au con du jour maintenant avec avec le roux. Ouais, appelle-moi le Rosso. Quoi? Le Rosso. Le Rosso, parce que mon con du jour c'est italien. Ah ben forcément. C'est étonnant venant de toi. Oui, c'est bizarre. Ça se passe dans la deuxième ville la plus visitée d'Europe qui est Rome. Rome. Ah, il y a plein de monuments là-bas, le Colisée. Le Colisée, qu'est-ce que c'est le Colisée? Le Colisée, mais que avec des gogoles. Je dis le Colisée. Attends. Le Colisée. Ah, ben bah voilà. La fontaine de Trévis, le Capitole. Mais, quand du jour se trouve au Panthéon. Oh là là. Au Panthéon. Au Panthéon de la connerie. Non, arrêtez, j'ai pas dit Panthéon. Donc, à part être un monument, le Panthéon accueille parfois genre des concerts, et c'était le cas ce jour-là. Un quintet russe se produit devant un public de 500 personnes. Ouais. Déjà, 500 personnes pour voir un quintet, faut vraiment avoir envie. Surtout russe. J'ai cartonne. C'est clair, ouais. C'est de la musique classique, hein. Ça dure pas très longtemps, 64 minutes exactement. C'est long déjà, hein. Voilà, au moins une heure. Par morceau. Seulement, voilà. 64 minutes exactement, ouais, au moins une heure. Ouais. Voilà. Les cours du jour sont très à cheval sur les horaires, puisqu'il s'agit des gardiens du Panthéon qui sont programmés pour fermer les portes à 18h pétantes. Ouais. Sauf que le concert a démarré à 17h. Du coup, à 4 minutes de la fin, les gardiens du Panthéon ont fait lever tout le public, les ont foutus à la porte, alors que les musiciens terminent leur concert tout seul pendant les 4 dernières minutes. Oh. Bah oui, mais c'est comme ça, c'est sympa l'Italie. Eh mais tu peux être sûr que si on leur paye les heures sup, il n'y aurait pas eu moins de problème. Ah, et ça c'est possible aussi. Quoique, faut voir, il y en a qui ont des principes. Hein. Bon, sur ce, on passe au sport. Football, avec cette histoire incroyable au Paris Saint-Germain. Ouais, et c'est parti, tu vas dire que c'est surnaturel qu'ils aient gagné 4-1. Alors pas du tout, c'est une histoire hallucinante. Le CSKA Sofia, donc le meilleur club de Bulgarie, s'est intéressé à un joueur du PSG dans le but de le transférer. Faut savoir qu'avant de faire venir un joueur, tu mets des vidéos de ses matchs, tout ça, tu cherches un peu sur internet. Exact. Bah, c'est ce qu'ils ont fait les Bulgares. Hein. Ils ont vu des actions sur YouTube. Ils ont même fait un tour sur le site officiel du joueur qui semblait assez prometteur et tout. Et en plus, ça va faire rentrer de la thune dans les caisses de Paris. Ouais, voilà. Sauf que malheureusement, le transfert de Greg Axelrod n'a pas eu lieu. Oui, voilà, parce que ce mec ne joue pas à Paris. Et en fait, il a réussi à faire croire qu'il était un joueur de foot pro du PSG. Oh, c'est un truc de dingue. Ah, mais alors, ça se trouve, il va peut-être vraiment se faire embaucher quelque part, non? Mais qui sait? Bah, en même temps, c'est pas le seul imposteur à Paris. Hein. Il y a Matéa Kezman, ça fait 2 ans qu'il nous fait croire que c'est un joueur pro. Bon, et puis sport toujours, c'était le retour de la Formule 1 ce week-end avec le Grand Prix de Bahreïn. Remporté par Alonso sur Ferrari et surtout un Grand Prix qui a marqué le retour de Michael Schumacher dans la compétition. Schumacher qui lui a terminé 6e. Ouais, mais c'était pas la seule nouveauté, hein. Il y a plein de trucs qui ont changé maintenant dans la Formule 1. Oui, et il y a un nouveau circuit en Corée du Sud, là, 4 champions du monde sur les lignes de départ. Le barème des points a changé aussi. Le gagnant ramasse 25 points, le deuxième 18 et le dixième repart avec un point. Ouais, mais c'est pas le plus gros des changements. Non. Alors la surprise, c'est la fin des ravitaillements. Fini les arrêts au stand. Donc maintenant les Formule 1 devront commencer la course avec assez d'essence pour la finir. T'imagines la taille du réservoir, parce qu'une Formule 1, ça suce, ça resuce, ça sursuce. Oh là, et un jour il y a un mec qui m'a dit que j'étais une Formule 1, je dois le prendre comment? Voilà. Sur ce, donc ce match du jour touche à sa fin. Avant d'y mettre un terme, on joue avec le traditionnel quiz des citations. Et à votre avis, qui a dit j'aime le sexe, j'aime, je ne peux pas vivre sans, je veux voir plus de chair et de scènes de nul dans les films? Sandro. Non. Ah, vas-y. Axel Red. Non, c'est pas ça, non. Plus de scènes de nul dans les films. Rocco Siffredi. Non. Indice, c'est quoi? Faut que tu te donnes. Si c'est de la chair toute bleue et que le sexe se fait en branche. Avatar, James Cameron. Non. En Sam branche, sa queue de cheval, laisse tomber. Sam Worthington. Non. Zoé Saldana. Bonne réponse. Elle a envie. Mon nouveau single s'appelle I Have a Dream. Je ne savais pas que c'était une phrase de Martin Luther King. Oh, ça doit vraiment... Ziman. Ça doit vraiment être un TV. Paris Hilton. Non. Papillon de lumière. Sandy Sanders. Non. Cherchez-moi un petit peu plus loin. En quoi que. Mais français. Oh là là. Il y avait l'indice. Neuilly-sur-Seine. James. Non. Neuilly-sur-Seine, James. Je crois qu'elle habite là-bas. Ah bon? Bah putain. C'est un gros fuck à tous les autres alors. La vieille là. Non, là, non, oh là là, non. Neuilly-sur-Seine. Magic System. Non, elle a failli décéder il y a peu là. Hein? Elle a failli décéder il y a peu. C'est une vieille? Non. Loana? Loana! Oui, bonne réponse. Ah oui, donc Loana, ah oui. Ah oui, ouais, d'accord. En fait, je comprends pas qu'on n'y ait pas pensé. Oui, c'est vrai. Ah, ouais, franchement, vous m'avez dit su, là. Ouais, non, là, je suis d'accord, on a été mauvais, là. Bon, et qui a dit notre. Non, mais t'as vu que Loana, elle a dit qu'elle s'entendait hyper bien avec le mari de Brigitte Bardot. Et lui, le lendemain, il dit c'est une people d'une inutilité que j'ai jamais vue. Ouais, mais pire, elle avait dit qu'elle avait tourné son clip dans la maison de Brigitte Bardot, alors qu'en fait, il a jamais mis les pieds. Grave. Bon. Qui a dit notre groupe n'a pas de plan défini à part accomplir une domination mondiale. Bientôt ? Non. Tokyo Hotel ? Non. 40 Seconds to Mars ? Non. 40 Seconds to Mars. 40. Notre groupe. C'est un groupe de rock ? Blur, Oasis. C'est un groupe de rock, ouais. Un groupe de rock ? Ah ouais. Non, Gorillaz. Gorillaz, Murdoch du groupe Gorillaz pour être précis, effectivement. Bon, et ben bonne réponse, retour du mec du jour, à l'autre jour. Bon, on va filer les places pour Justin Bieber aussi dans quelques instants. Et puis là, on va prendre Brenda qui est là maintenant du 91. Salut Brenda. Salut. Salut Brenda. Comment ça va? À chaque fois, vous me le faites, c'est la deuxième fois la question. Bah oui, mais c'est parce que chaque fois, tu parles pareil. C'est aussi vous l'avez fait la première fois. Ah, comment va Brandon ? T'as raté le. Merci. Dans le générique, quand t'as t'as le mec qui donne une petite pêche comme ça, je sais pas lequel. J'ai pas fait gaffe. Ah bon, bah écoute, t'as passé la gardienne. J'ai l'impression d'être samedi après-midi chez moi. Ouais, et t'as surtout l'impression d'avoir 14 ans. Bah c'est samedi après-midi ça, c'était pas le genre en semaine. Non, c'était le samedi en fin d'après-midi. Non, mais t'as eu manger moi. Non, mais t'as eu la semaine. Devant ? Devant manger. Devant manger ? En mangeant. On n'avait pas parlé la semaine dernière de dire manger bêtement non, comme c'est, ça. C'est très bête. Le manger. C'est très bête. Tu regardais devant manger. Devant dîner. Même ça se dit rien devant. Ah, au début c'était le samedi, après c'était tous les soirs, je crois, non ? Ouais, moi je regardais quand c'était à 19h quoi. Non, ouais. Mais c'est passé un moment, ouais, effectivement, la semaine, ouais. Ouais. Mais bon, tout ça pour accueillir Brenda, donc, hein, qui est là, ça y est, c'est nos amis Sandro en bas de trip. Oui, mon prénom vient de cette série d'ailleurs. C'est ah vrai bon oh. Ah, c'est chaud. Ma soeur, elle avait 6 ans, regardait cette série, elle a dit à ma mère, appelle-la comme ça. C'est vrai. Mais ta mère, elle écoute comme ça, elle a pas de problème. Mais c'est vrai, il y a des gens. Hein, enfin, le nom qu'elle voulait me donner, c'était pourri aussi. Alors. C'était quoi? Anaïs. Oui, c'est bien vrai. Quoi que, Anaïs, c'est bien Anaïs. Aussi. Hein. Bah, c'est mon deuxième prénom, Anaïs. Bon, Brenda, Anaïs. Bon, Brenda, tu voulais nous appeler par rapport à la chirurgie, toi. Tu as déjà été opérée, tu vas te faire opérer, tu as envie de changer quelque chose, dis-le tout. Bah, l'année dernière, à peu près à la même époque, je me suis fait opérer de la mâchoire. Ouais. Et demain, c'est le menton. Ah, demain ? Ouais. Tu nous avais appelé pour la mâchoire, non ? Non, c'était pour un. Alors, je sais plus. Non, mais je vous avais déjà appelé, ouais. Je vous avais déjà fait la vanne, ouais, comment va Brandon ? Oui, oui, bah en même temps, c'est pas la seule Brenda qui existe non plus. Hein. Mais attends, mais t'as 14 piges, comment se fait que tu te fais opérer ? Bah, c'est parce que c'est médical. Ah, ouais, c'est parce que t'as la. Comment ça s'appelle ? C'est prognate. Je sais pas. C'est quand c'est, en fait, faire le malin, mais c'est pas. Ouais, en fait, c'est quand t'as les dents d'en dessous qui sont pas derrière, mais qui sont devant les dents de dessus. Non, c'est l'inverse. C'est ma mâchoire du bas décalée par rapport à la mâchoire du haut. Ouais, c'est ça. Elle est trop décalée vers l'intérieur ou l'extérieur en fait ? Intérieur. Intérieur. Intérieur. D'accord, ok. Et alors, en fait, c'est un peu comme un cheval, quoi. Non, pas quand même. Mais ça se voit vraiment ? C'est comme un requin blanc alors. Bah de profil oui ça se voyait mais là non. Si de profil tu ressembles à un requin blanc. Ah oui parce que ils ont la mâchoire du bas qui est longue. Voilà. D'accord, ok. Ouais, parce que moi, il y avait une meuf dans mon bahut qui était. Donc, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'elle avait sa mâchoire d'en dessous qui était en avant. Mais ah ouais, t'as l'air idiot. Hein. Mais c'était super flag, quoi. C'est-à-dire qu'elle avait genre les dents qui dépassaient de sa lèvre, quoi. Ah, mais c'est sympa, tu peux poser des trucs. Ouais, c'est un son drôle, elle planquerait ses chocolats dedans. C'est génial, attends, voilà. Ça. Qu'est-ce que t'as l'air bête. Ouais. Franchement, enfin, attends. Non, mais c'est pas de sa faute. Ils peuvent rien. Mais non, mais c'est pas la question. C'est que tu vois un mec qui parle comme ça avec la mâchoire en avant. Ouais, mais le mec, tu. Non, mais c'est horrible, hein, parce qu'un détail. Comme quoi. Ça peut te flinguer ta vie. Quoi. Surtout quand t'es petit. Mais même pour bouffer, parce que toi tu pouvais manger en speed, elle peut pas. C'est-à-dire si elle mange en speed, elle en met partout. Quoi. Ouais, bah oui. C'est une question d'habitude après aussi, hein, s'ils ont toujours vécu comme ça. Comme Popeye. Ouais, c'est ça. Dis-moi, Brenda. Oui. Tu disais. Ce rire. Bah, on sait pas très bien. Je me fous d'un truc que j'assume pas. Dis-moi, Brenda. Oui. Voilà. Tu avais dit que tu t'étais déjà fait opérer une fois et que là, tu allais refaire la deuxième. La première fois, c'était quoi alors ? C'était une béance. Oui. J'ai passé un doigt entre les dents du haut et les dents du bas. Oui, c'est-à-dire que t'es le machin, comment ça s'appelle Ta mâchoire, elle se fermait pas, quoi. Non, c'est ta deux dents en fait qui étaient super écartées. Non, ça c'est les dents du bonheur. Oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Toi, tu pouvais passer entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Oui. Ah, pardon. Bon, c'est pas Vanessa Paradis, quoi. Ah, non. Non, en fait, t'arrivais pas à fermer ta bouche, quoi. Ah oui. Ouais. Et là, c'est pour ça que je fais longtemps pour arriver à fermer la bouche. D'accord, ok, ça vient. Ça peut être bien relou. Et alors, comment ça se fait? Tu sais pas? Bah, c'est une malformation. Sur mes trois sœurs, il y en a deux qui ont déjà eu. Ah ouais, voilà. Ah ouais. Et c'est, en fait, ils te pètent la mâchoire, quoi. Ouais, bah là, j'ai des plaques, et puis 3-4 mois après la première opération, il y a une vis qui s'est dévissée. Ah, tu vois, c'est dommage. Alors, j'ai une vis qui. Alors, j'ai la chance, ça touche comme la mâchoire. C'est ouf. Mais comment ça se fait que c'est quoi? C'est pas héréditaire quand même? Bah là, c'est... je sais pas. Bah, c'est une malformation. Hein, c'est après, chelou. Non mais y a, à part tes frères et sœurs, y a des gens dans ta famille qui ont ça? Tes parents? Non. Du côté de tes parents? Bah mon père, lui, il perd ses dents personnellement. Mais il a quel âge? Il a 54 ans, je crois. Ouais, 54 ans, c'est chaud. Et il perd ses dents? Putain, c'est bizarre, effectivement. Ouais. Bah, ma sœur, la première qui s'est fait opérer, elle aussi. Alors il faut qu'elle se fasse opérer pour qu'elle. Faut lui remettre un os dans la mâchoire, je sais plus trop. Ouais, mais toi, il faut lui bizarre, remettre un os dans la mâchoire. C'est les frères et sœurs. Ouais, eh bien, fais pas d'enfant, tu vas accoucher dans Cyclope. Hein. Bah, il ferait une opération, mettra un deuxième œil. Hein. Ouais, bon, oui, l'autre, il est centré, quoi. Putain, c'est bizarre. Sinon, tu le dessines, ça se voit pas. Hein. Ouais, mais si tu le mets à droite. Mais non, mais t'en mets dans des signes 2 et celui-là, tu mets un cache. Ouais, ça va être pratique pour tu vois rien. Si tu veux être normal, il va bien, je t'ai rappelé. Là, le truc cool, quoi. Bon, bah, n'hésite pas. Il y avait un chat. Il y avait un chat qui avait... Un chat, ça y est, il y avait autre chose maintenant. Non, il était né cyclope. J'ai déjà vu, moi, un chat cyclope, en vrai. Ouais. Mon prof de bio, il l'avait mis dans du formol, on dit. Oh, ouais. Dans un vase. Dans un vase, quoi, ouais. Ouais, dans un bocal. Ah, c'est dégueu, ça. C'est un chat qui était né avec juste un œil. Mais en fait, tu vis pas, hein, tu meurs assez rapidement. Hein. Ouais, c'est une malformation. T'es mort-né ou tu meurs un peu après, mais... C'est malheureux. T'as le mec qui se balade avec son... C'est comme la chèvre qui est née moitié homme. Ouais, moitié homme, moitié chèvre. Et il avait une tête. Mais nous aussi, on l'a mis sur le blog. Tu l'as vu la photo, Brenda? Oui, je l'ai vu. C'est dingue, hein. C'est chaud. Je trouve qu'il ressemble à Ashley Simpson, mais bon. À qui? Ashley Simpson. Ashley Simpson. Ah ouais, toi, tu lui en veux. Ouais, toi, t'as la haine, hein. Oh, grave. Alors, je trouve Ashley Simpson. En tout cas, c'est un corps de chèvre et puis tu vois une tête, quoi. Bah oui, c'est moche. C'est improbable. Mais faut mettre sur le site. Ça bah, on l'a mise, la photo. Elle est sur quel blog? Non, on l'a jamais mise. Si, si, Jack. Ah, allez voir. Mais tu vas jamais voir celui de Jack. Je vais voir. Moi non plus, personne. Bon, mais bah, tiens-nous au courant, Brenda, hein, quand t'auras eu l'opération. Bah, pour voir si tout s'est bien passé, quoi. D'accord? D'accord. Mais bon. Donc attends, parce que demain tu vas te... Enfin, tu te fais opérer et genre, quand est-ce que tu sors du coma? Mercredi après-midi. Bon, donc on t'appelle définitivement ou juste on te réveille à ce moment-là? Non, mais arrêtez, il y a 24 heures. Ah, c'est long le réveil, la phase de réveil. Oui, c'est long, mais c'est pas 24 heures. Ah bon? Ça dure pas des heures, peut durer quelques heures, mais tu fais quoi comme anesthésie? Tu fais pas l'hypnose? Non. Fais-le pour voir. Bah oui. Et puis après, ça fait mal. Hein. Oh, mais ça a raté. Bah oui. On fait le mec qui t'a défoncé la mâchoire là. Bon, Brenda, bon courage en tout cas. Je te renvoie chez Michel au standard. Et puis on se tient au courant. On aura regardé Dr House. Oui, évite de regarder Dr House. Ouais. On va revenir dans un instant. Je sais pas si on aura Monsieur X ce soir. Je l'ai pas encore vu passer, mais c'est pas grave. Et puis, en tout cas, une chose est sûre, on aura le question pour une réponse. Nous sommes en 2009 après Jésus-Christ. Toutes les émissions subissent la sévérité de la direction d'énergie. Toutes ? Non, car une équipe d'irréductibles gaulois résiste au patronat. 5 ans après, ils sont toujours là le soir, sur Énergie. Michael, c'est Astérix dans ta radio. Exactement, on est là comme tous les soirs entre 21h et minuit. Lâchez vos messages donc. Ça se passe au 612, débuté par Énergie, votre message, ou alors sur michael.fr en cliquant sur la communauté. On se mettra un petit son qu'on avait demandé tout à l'heure, un Nirvana qu'on n'a pas encore mis dans l'émission. Comme quoi, oui, tout arrive. Il y a un Nirvana qu'on n'a pas encore mis. Ouais, je pense pas qu'on l'ait déjà mis. Je l'ai déjà mis quand je faisais de temps en temps, à l'époque, mes nuits rock. Mais dans l'émission, on est le même. Je vois Sandro qui ouvrait l'ordinateur, mais dans le mauvais sens. Oui, à l'envers, elle s'est dit, je vais l'utiliser comme ça, c'est bien aussi. Qu'est-ce qui est le branle? Ah, j'avais pas vu qu'il était à l'envers. Ah, bah voilà, c'est ça le problème. Bon, on a Monsieur X apparemment qui a débarqué. Ça y est, il était temps. Le temps qu'il s'installe, on va appeler le gagnant pour, ou la gagnante pour Justin Bieber. Allez, c'est parti. Ça sonne, c'est le point positif, c'est parfait. Il y a une rencontre souillée. Allô, Mélissa? Oui. Salut Mélissa, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Oui. Je t'appelle pour te dire que tu vas pouvoir aller jusqu'à Paris tout frais payé pour écouter en exclu le nouvel album de Justin Bieber. D'accord. C'est énorme. Le vendredi 19 mars, ça se passera à la maison 10 de Justin Bieber, c'est-à-dire Universal. Non, putain, c'est énorme. Merci. Voilà, Mélissa. Tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées, d'accord ? D'accord. Salut, Mel. Bisous à vous. Allez, bisous à toi. Ciao, Mélissa. Allez, voilà. Monsieur X. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bonsoir. Écoutez, je vais bien, toujours après un bon week-end où je me suis fait dégorger le poireau, je vais toujours mieux. Hein. Ouais, bah encore, ça reste à voir. Hein. J'aimerais bien voir une des meufs que vous faites, tiens, juste pour voir à quoi elle ressemble. Oh bah écoutez, ça va du cajot de base au cajot de luxe, hein, ça dépend. Ah mais vous comparez... Alors, reste dans le cajot quand même. Quel est le cajot de luxe? C'est quoi une comparaison je sais pas, quelque un chose. Un cajot de luxe, c'est une moche mais qui a de l'argent, et un cajot de base, bah, c'est une moche mais qui a pas de thunes. Oui. Ah d'accord, ok, oui, très bien. Voilà, il y en a une qui est habillée en Prada et l'autre en H&M, hein, c'est pas où tu y mais c'est un cajot. Ouais. Mais c'est un cajot, oui, c'est un cajot, systématiquement. Bah parce que le cajot, moi, je crois que c'est la dernière fois qu'elle se fait baiser, donc du coup, il met tout son cœur, quoi. C'est une bonne théorie, ça. C'est ça. Je remercie. Bon, Monsieur X, de quoi on parle ce soir? Déjà, vous êtes là lundi, je suis assez surpris. Bah écoutez, oui, mais bon, j'avais pas de quoi prolonger mon week-end, puis je suis resté sur Paris, donc bon. Ah bon? Donc je suis là quoi, hein, c'est pas comme si j'étais parti à l'autre bout du monde. Oui, c'est voilà, ça. Non, là j'étais là, donc bon, je me suis dit je vais passer quoi. Pas de problème, très bien. Autant vous dire que j'avais rien de mieux à faire. Bon, monsieur X, on vous écoute. Bah non, mais ce soir moi je voulais vous parler de simulation. Ah bon, c'est pas un sujet que je connais personnellement, mais bon, comme j'ai reçu beaucoup de courriers de... Sexuellement parlant, vous voulez dire? Oui, c'est ça, oui. Oui, je ne connais pas la simulation sexuellement parlant, donc bon, j'ai reçu beaucoup de courriers de putes, hein. Comme Lily. De? De putes. Non, on t'a déjà dit c'est pas ça. Un. Deux. De femmes. Ah, de femmes. Voilà. Pardon, excusez-moi. De femmes, oui. Donc, comme Lily hein, qui me dit bonjour, X. Donc, je voulais déjà dire à Lilliput. Hein, que, bon, Lilliput, c'est son prénom, son pseudo? Non, c'était une petite blague. Ah, oui, c'était très drôle. Bah, je vous remercie. Bon, non, je voulais juste lui dire qu'elle est bien gentille, mais qu'elle garde. Hein, on n'a pas gardé les morpions ensemble, alors bon, pourquoi ça sera monsieur X, oh. Hein. Bon, je continue. Vous savez que les gens ne vous aiment pas, hein? Et alors, tu veux que ça me foute? C'est vous qui me faites venir, c'est pas, hein? Bon, enfin, en même temps, parfois on pleure pour que vous veniez, hein. Vous arrivez voilà, en retard. Bon, allez, dépêchez-vous, monsieur X, on va y passer la nuit, vous faites chuter l'audience, là. Mon maman n'arrive pas à me donner du plaisir, je suis obligée de simuler à chacun de nos rapports sexuels. Que faire? Changer de mec? Bah voilà, c'est simple, lâche ton mec, viens me voir. Hein, moi je. Bon, moi je me suis arrêté, là, change ton mec. Pardon? Oui, je me suis arrêté là. Viens me voir, change ton mec, viens me voir. Hein. Moi, je vais tant la stimuler que bon, elle n'aura plus besoin de simuler. Hein. Je vais tellement lui exploser le berlingot qu'elle finira par quoi. Berlingot, mais qu'est-ce que c'est? Et puis, je vais tellement lui défoncer le coquillard que quand elle créera de douleur, au moins, mais ce ne sera pas de la simulation. Il y a Valentin qui dit Monsieur X est un simulateur, mais il ne l'avoue pas. Oui, c'est vrai que je suis obligée de simuler pour finir avec la gourdasse que je me suis ramenée, mais bon, c'est pas le choix. Hein. Bon, c'est ça, on n'a pas le choix, ouais. Oui. Bon, sinon, j'avais un message aussi pour tous les guignols, hein, qui, comme le mec de Lily, bon, n'arrive pas à faire jouir leurs femmes. Hein, vous devriez remercier les femmes pour la simulation qu'elles vous donnent. Oui, parce que, hein, vous ne pouvez pas, tous être comme moi, au top de votre forme sexuelle, tout le temps. Donc, bon, c'est une simple question de politesse, hein. Un petit cri, remerciez-la, un petit merci. Un autre petit cri, un autre petit merci. Hein, vous voulez qu'on essaye? Ouais. Bon, allez. Sandro, hein. Imaginez que je suis en train de vous titiller la paroi vaginale sombre et humide avec mon gourdin dur et rugueux et que... Elle va vomir, elle va pas jouir. Je te repars l'intérieur de ma grosse bite. Merci, ma petite pute. Alors, maintenant, imagine que je te caresse la vulve du bout de mes doigts sales et poilus. Quelle horreur. Et bon appétit, Chiro. Et que t'es la mineure de fond, je te pénètre en profondeur dans ta mine de charbon, que je te nettoie le colon avec ma langue aspiratrice. Merci, ma grosse cochonne. Oh. Maintenant, imagine que je t'inonde le visage de ma semence tiède et que le flot est continu et ininterrompu et que le jet est tellement puissant que je te colle contre le mur et t'empêche de respirer tellement il t'obstrue la bouche et les narines. Merci, vous avez un problème, monsieur X. À présent, imagine que tu es une naine transsexuelle asiatique et que tu danses pour moi à moitié nue en caressant ta poitrine huilée avec du manioc grillé et que tu te prends par les pieds au-dessus d'une benne à ordures en criant « Prends-moi, X, prends-moi !» Oui. Oui, pardon, là, j'avoue, j'ai été un peu loin, pardon. C'est un de mes yeux fantasmes, un des rares trucs que je n'ai jamais réussi à s'ouvrir. Ah, c'est le manioc. Je ne sais pas, c'est revenu, là. Pardon. La naine asiatique. Ouais, bon, bref. Bon, tout ça pour en arriver où, monsieur X? Mais non, mais voilà, c'est pour vous montrer quand même que c'est beaucoup mieux quand on remercie sa partenaire simulatrice. Hein. Il faut savoir qu'une femme sur 10 simule systématiquement. Bon, moi, je me suis tapé les 9 autres. Et, oui, bah bien sûr. Il faut également savoir que la moitié des femmes ont déjà simulé pendant l'amour. Bon, moi, je me suis tapé l'autre moitié. Mais voilà, c'est important de le dire. En même temps, comment on fait pour ne pas simuler si c'est pas pendant l'amour? Il n'a pas compris. Il va nous emmerder, Roland. Mais non, la moitié des femmes ont simulé pendant l'amour, c'est ça que t'as dit. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Ouais, ouais, bon, bah, l'autre moitié? Bah, l'autre moitié, elle n'a pas simulé pendant l'amour. Ah, donc elle simule pas du tout? Voilà. Ah, d'accord, ok. Il y a Valentin qui dit, monsieur, c'est un gros pervers. Oui, ça, on n'avait pas eu besoin de toi, Valentin, pour le savoir, hein, mais c'est bien de t'en rendre compte. Je ne vois pas ce qui lui fait dire ça. Ouais, c'est ça. Angélique qui dit, monsieur, tu fais perdre du temps et de l'argent. Je suis d'accord. C'est pas parce que je défonce des chattes à coups de gourdin que quel dégueulasse. Bon, monsieur X, merci. Bonne soirée. Je vous rappelle qu'on on peut toujours vous écrire à monsieur@energie.com. Absolument pas. Donc je vous rappelle l'adresse, c'est monsieur X, 22 rue Boileau, 75 07 Paris. Personne n'écrit par courrier postal. Ah, ben c'est pour ça que je ne reçois pas beaucoup de lettres. Alors. Ouais, voilà. Non, c'est parce que vous êtes chiant, ça, c'est un autre problème, ça. Voilà, bon, monsieur X@energie.com. Non, ça n'existe pas. Ah mais... C'est vrai que c'est ce pas. Bon, alors, je vais vous en créer une. monsieurx@michael.fm. Voilà. Non, mais c'est pas dit que je dirais. Enfin, moi, je vais le dire, ce sera parfait. Je vais essayer de la créer pour demain. Bon, au revoir, monsieur X. Oh, il est parti. Rien à branler. Vous m'avez viré, moi, je pars. Oui, c'est ça, bah, cassez-vous. Bon, allez, on écoute Nirvana maintenant. Écoutez, on l'avait pas encore mis. Et c'est une grosse erreur de ma part. Earthship Box sur énergie. Voilà. Erreur de ma part, donc de ne pas l'avoir mis plus tôt. Earthship Box, tiré l'album In Utero de Nirvana. Et Kurt Cobain d'ailleurs qui nous a quitté le 5 avril 94. Ah, ça approche. Ça approche. Ce qui m'a donné une idée totalement originale de faire une soirée spéciale. Et ça fait bientôt 20 piges. Hein. Est-ce que tu. Je pense enfin, 16 là quand même. Tu as oublié de faire une soirée spéciale Jean Ferrat. Oui, non. Bah, par contre, j'ai oublié de faire une le 20 février. C'était la naissance de Kurt Cobain. Ah, oui. Oh ouais, ouais, bah oui, c'est dommage. Hein, on est passé à côté. Mais rassurez-vous, je serai là le 5. Super. Ah, tu vas en mettre quoi, un par heure? Je sais pas, je me tâte, je vais voir. Ouais, parce qu'après, plus ça va être casse-couille quand même. Ouais, mais 5 par heure serait bien. Hein. Non. Je suis même pas sûr qu'il y a assez. Mais ah, tu trouves moi ou quoi? Mais bien sûr qu'il y a assez. Il a fait deux albums. Mais où? T'es fou toi. T'as Bleach, t'as. Non, mais non, il connaît Patrick Bruel. Suicide, Nevermind, In Utero, L'Unplugged à New York, From the Moody Bank of the Wishka. Ouais, mais bon, L'Unplugged ça compte pas. C'est différent. Franchement, c'est différent. C'est différent. Oui, mais ça reste les mêmes morceaux. On peut pas décider ça. Ah si. Non, il y a des trucs neufs, il y a des chansons jésuites et catholiques. Il y a surtout des trucs bien pourris sur cet album d'acoustique. Putain, non, t'es fou. Si, hein. Si, il y a deux trois morceaux. Il y a deux trois morceaux pas terribles. Oh, dit-il avec son pull avec un champignon dessus là. Ça a aucun rapport. Ça ressemble à rien. Non, mais c'est parce qu'il en avait un là. Quelle horreur. Sans doute, de quoi on vient de parler? Michael Jackson, non? De musique. De musique. Oui, c'est vague quand même. Oui, mais bon, comme j'ai rien à foutre. Ah bah bravo, très bien. Ah bah très bien, on fera encore semblant de s'intéresser. Les 20 ans de Nirvana. Non. C'est-à-dire qu'il est mort, il avait plus de 20 ans, mais surtout oui, que. Oui, c'est ça, bah voilà. Non, mais ça fait une spéciale. Il a pas plus de 20 ans. Hein? Ouais, il avait plus de 20 ans, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Bon, on va parler de chirurgie dans un instant encore avec Morgane et on va faire le question pour une réponse maintenant. Non, après, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire maintenant, donc autant parler avec Morgane tout de suite. Hein. Morgane qui est là du 83, salut Morgane. Salut, bonsoir Énergie. Bonsoir à toi. Morgane. Oui, Morgane, allô, toi. Allô, enfin, allô, allô. Faire, oui. Bon, Morgane est une fille ou Morgane un garçon? Fille. D'accord. Ah, t'es une fille, là? Non, t'es une vanne. Oui. Non, mais t'es... Qu'est-ce que tu as entre les jambes? Un sexe de femme. D'accord, ok. C'est une voix d'homme. Mais qu'est-ce que t'as dans la trachée? T'as une pomme d'Adam? Non. Plus de pomme d'Adam. Ah, plus? Plus rien. D'accord. Donc, il fut un temps, tu en as eu une? Ouais, il y a très longtemps. D'accord. Le siècle dernier. Très bien. Bon, voilà. Pas il y a si longtemps que ça. Hein. Morgane. Oui. Donc, tu voulais nous parler de la chirurgie. Toi-même, tu as déjà testé? Ah, bah oui, là, si. Oui. Non, pas du tout. C'est naturellement chez moi. Donc, on pourrait me comparer la chirurgie à risque, même, non? Oui, là, oui. Oh, on pourrait me comparer comme Michael Jackson. Non. Michael Jackson numéro 2. Ah non, il s'est pas fait opérer de la bite, lui. Hein. Ça, on sait pas. Hein. Non, avec toutes les opérations que j'ai eues. Ah, d'accord. T'en as combien? Je compte plus. Bah, j'en ai combien en France? Donc, déjà en Australie, j'en ai eu 3. Ouais. Alors, pourquoi en Australie? Bah, parce qu'en fait, j'avais l'opportunité de partir là-bas et c'est beaucoup plus simple qu'en France. Et voilà. Donc, en Australie, j'ai fait le sexe, les seins et la pomme d'Adam. Ouais. Voilà. Ouais, le principal, quoi. Le principal. En France, donc, j'ai fait injecter de la graisse aux pommettes. Mmh. J'ai fait couper la peau au-dessus des yeux. J'ai fait gonfler ma lèvre. Et sinon, j'ai refait faire une poitrine. Voilà. Ah ouais, donc t'as tout. T'as fait deux fois les seins ? Et j'ai fait une liposuction aussi. Ah, deux fois les seins. Le vagin, la première, tu l'as fait où ? En Australie. D'accord. Et vraiment, il est très très bien fait. Et au niveau de tes papiers, tu... Bah, ça y est, les papiers sont faits. Je suis Morgane. Attends, moi, ça, je comprends pas. Mademoiselle Morgane. Mais tu es française ? Je suis française, oui. D'accord. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un mec qui vienne nous expliquer comment c'est possible que tu deviennes comme ça parce que t'en as envie, une femme. C'est pas pour le plaisir, c'est pas parce que... Non, excuse-moi, bon, bah déjà c'est pas pour le plaisir, si. Non, je me sentais femme avec un corps d'homme, et donc c'était l'enveloppe qui ne me correspondait pas. Oui, bon, pas. Ça d'accord. Pourquoi tu fais... Je sais pas. Bon, mais je suis très bien comme je suis. Comment tu peux porter un jugement sur tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est. Non mais je porte un jugement. Imagine sur ce que je veux. Non mais c'est pas ça. Mais imagine toi tu serais une femme. Ouais. Sauf que t'as une bite. Ah mais non, c'est pas possible. Bah si. Bah si non. Si. Mais non. Bah si. Mais non. C'est ce qu'elle t'explique là. Si je suis. Non. Elle te dit je suis née dans un corps d'homme mais je suis une femme. Oui, bon, d'accord. Oui, non, mais d'accord. Non, mais tout est expliqué par ça. Non, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que on puisse devenir une femme dans la République française, comme ça, tu changes tes papiers, puis c'est bon. Non, mais je crois que c'était super compliqué. Non, hein. Déjà, c'est pas aussi simple que d'aller chercher ton passeport, d'aller chercher un nouveau passeport, quoi. Est-ce que les opérations, on peut les faire en France aujourd'hui ou pas? On peut les faire, mais c'est très. Depuis très, quand très long. C'est très très long, en fait, il faut voir des psychiatres. En fait, j'ai commencé en France à voir des psychiatres, des docteurs, des trucs. Ils me faisaient tourner en rond, ils me prenaient tout mon argent. Et donc, j'ai eu l'opportunité, je suis parti, bah, voilà. D'accord. Bon, attends, deux secondes, Morgane, reste là un petit peu. On va revenir après la pub avec toi. Il y aura aussi une question pour une réponse. Et on écoutera aussi un petit peu de son avec Edouard Maïa, This is my life. C'était Edouard Maïa, This is my life sur Énergie. Avant de jouer aux questions pour une réponse, on récupère pour terminer Morgane, donc, qui nous avait appelé par rapport à la chirurgie esthétique, puisqu'il était monsieur avant et qu'il est madame aujourd'hui. Et voilà. Alors, pour en revenir au détail de l'opération, alors comment ça s'est passé au niveau de l'opération, puisque c'était un petit peu ça le sujet de base. Ça fait très très mal. Ouais. Mais je ne regrette pas. Le prix, c'est vrai que c'est assez cher. Ouais, ça t'a coûté 95. Combien pour devenir madame ? Pardon ? Ça t'a coûté combien pour devenir une femme ? Donc, en 95, la première opération m'a coûté 5 000 $. Ouais. Je voyais ça plus cher. Ah, mais c'est la première opération. C'était en 95. Donc, à l'époque, ça faisait très cher. La deuxième opération, j'en ai eu pour 4 800 €. Ouais. Et donc, la troisième, j'en ai eu pour 3 000 €, la liposuction. Voilà. J'ai fait 12 000, quoi. Enfin, la liposuction, c'est accessoire. J'ai des sensations. J'ai un vagin, j'ai un... Ouais, d'ailleurs, quand un mec te prend, ça se passe comment? Ben, j'ai un vagin, donc... Ça j'entends bien, mais il est pas... Enfin, ça marche ou ça marche pas? Ça marche très bien. Et je mouille, en plus. Mais comment tu mouilles? Ben, parce qu'en fait, j'ai le... En fait, ils ont fait comme la tuyauterie, quoi. Ils ont mis le tuyau sur le bon embout, tout bordel, quoi. La peau très fine du gland du mec. Donc, ils me l'ont graissé en clitoris. Et donc, avec les hormones que je prends à vie, avec ma prostate, ça fait un effet que, en fait, quand on me le titille, je suis très sensible, il y a du liquide qui sort. Et l'orgasme, ça ressemble à une éjaculation alors C'est mouillé, ça. Non, mais. C'est du mouillé qui sort. Ah, mais t'as pas d'orgasme? Oui, t'as un orgasme masculin. Je prends un plaisir comme un mec, voilà. Voilà, d'accord. D'accord, ok. Donc t'as un truc qui sort. Non, que j'ai c'est du niveau liquide de la qui sort. Ah ouais, quand même. Par rapport, ah mais la prostate, oui. c'est un plaisir quand tu le touches, mais tu peux avoir un orgasme avec la prostate. Hein. Oui, bah avec oui, les hormones que je prends, avec les hormones que je prends, ça fait une sensation, ben voilà. D'accord, ok. Et... bon, écoute, le principal au final, c'est que tu sois content comme ça. Hein. Ah ben voilà, content. Content comme ça, oui, autant pour moi. Voilà. Sinon, c'est pas terminé les opérations. J'ai si le derrière à me faire refaire. Un peu plus bombé le derrière. D'accord. Ouais, mais alors là, c'est, là, pour le coup, t'es dans l'abus total, en fait, toi. Parce qu'à la limite, le sexe, je veux bien, mais pourquoi tu vas te refaire le cul, la lipo. Mais pour être une vraie femme, une belle femme. T'es tombé dans l'abus, là. Non, je me sens bien, et donc. Bah, à partir du moment où t'as eu ton opération et t'es devenue une femme, c'était ça le plus important. Mais je veux être belle, c'est... Oui, donc t'es un peu dans l'abus... Ouais, donc tu vas un peu plus loin que ce que de la tu chirurgie. Devrais, quoi. Disons que tu profites oui. du détail, là, maintenant. Je fais travailler les chirurgiens, voilà. Oui, c'est une manière de voir les choses. Grâce à des gens ouais. comme nous, qui travaillent. Et au niveau de tes parents ben, mes parents, en fait, on se téléphone, mais c'est pas trop bien ça, encore. Ils vivent mal, eux Depuis que mes papiers ont été changés, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore bien ça. Et à tes petits copains, tu leur dis ou... Ah non, je dis à personne. Tu ils savent pas. Non, j'ai plein de mecs et les mecs, ils ne voient que du feu et... Et ils sont persuadés de coucher avec une vraie femme, quoi. Enfin, une femme comment d'origine. Comment tu peux pas capter quand t'es un mec, enfin, une fois que t'es à l'intérieur, c'est pas la même sensation. Ben, j'ai un vagin et c'est vrai qu'il n'y a pas les muscles. Les gens ne ressentent pas les muscles, mais... Parce que moi ça me paraît ouf que tu enfin tu vois qu'un mec qui te pénètre il se rende pas compte que c'est pas pareil. Bah écoute peut-être ils me le disent pas, je n'en sais trop rien. Ah ouais. Mais... Morgane sinon pas Saint-Off il va essayer. Pardon? Mais franchement c'est un des trucs que ouais j'essaierais bien. Ouais. Non mais c'est vrai c'est juste pour bah, le. Oui, pour... oui, bah, mais bon... t'avais déjà essayé non? De quoi? Un homme-femme non jamais. Ah ouais, qui était pas opéré façon, alors? Non ça c'est. Ne le disent pas. Ça fait partie de mes fantasmes, mais... Ah bon. Mais voilà, ouais, non, si, c'est un truc que moi, j'aimerais bien essayer une fois de voir comment ça se passe. D'accord. Moi, si un jour on se croise, je dirais pas que j'étais comme ça. Ben voilà, hein, les gens, ils ne le voient pas, donc... Non, ben t'as raison, ben, quoi, mais c'est, final, c'est, pas, hein. c'est par contre, ça, je trouve, c'est pas super honnête pour le mec. C'est-à-dire que, tu sais, t'as le mec, tu pourrais lui dire, tu vois, je veux dire... Non, j'ai une femme à part entière, j'ai des papiers... S'il tombe amoureux d'une meuf, enfin, tu vois... Ouais, mais. Non, parce que voilà, imagine le mec qui tombe amoureux. À quel moment tu vas lui dire, bon, écoute, mec, on n'aura jamais d'enfant? Bah, tu lui dis pas. Ah oui, t'auras jamais d'enfant. Tu vois, enfin, je veux dire, même pour honnêteté vis-à-vis du mec, faut lui dire. Je dis, j'ai eu un accident, je peux plus avoir d'enfant. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas honnête vis-à-vis du mec. Ouais. Pendant 7 ans, 8 ans, je suis sorti avec quelqu'un, je ne lui ai pas dit. D'accord. Bah ouais, mais je trouve que c'est pas très honnête vis-à-vis du mec, tu vois, c'est... Bah après, c'est ton choix, hein, malgré tout, mais bon... Déjà qu'en plus, t'es... Enfin, j'imagine que pendant ces 7 ans, tes papiers étaient pas super en règle. C'est ouais. bizarre, quoi. Il y a plein de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, donc moi, bah voilà, c'est mon cas. D'accord. Voilà. D'accord, je suis d'accord avec toi, mais bon, c'est pas le souci, c'est juste de lui dire la vérité, que tu t'es fait opérer, que t'es devenue une femme, voilà. Je suis une femme à part entière maintenant, j'ai les papiers en règle, j'ai tout de... T'es pas une femme à part entière, c'est pas vrai, t'as été un homme et t'es devenue une femme, tu vois, t'es pas une femme à part entière, c'est pas vrai. Oui, t'es le fruit de la chirurgie. On pourrait en parler des heures et des heures. Oui, non, mais de toute façon, chacun son avis là-dessus, hein, ça c'est voilà, clair. Oui. Hein. Bah Morgane, merci à toi d'être passé. Bonne soirée, merci à toute l'équipe, merci à tout le monde et... Eh ben, tu reviens quand tu veux. Ah, un de ces quatre, alors. Salut merci. À toi. Ciao bonne à toi, Morgane. Bye bye. Bon, on va jouer maintenant, on est un peu à la bourse, pas grave. Aux questions pour une réponse avec Anatole et Nicolas. Bonsoir tous les deux, comment ça va? Bonsoir, ça va? Ça va, tranquille. Ça va. Anatole, 18 ans, tu veux jouer avec qui? Sandro. Avec Sandro. Nicolas, 16 ans, tu veux jouer avec qui? Avec Toff. Très bien, il parfait. Le veut, bon, on y va, question pour une réponse, vous êtes prêts? Prêts. Ouais. Attention, première question. Top. Je pense pas qu'on t'autorise à quoi que ce soit, Toff. Ah, pardon. Ouais. De toute façon, vous avez toutes les deux réponses, donc ça n'a aucun intérêt, je le commence en fait le jeu. Non, moi j'ai rien. Moi j'ai rien. Oui, c'est non, ça. Je te jure. Il est là, qui est en train de se marrer comme une merde. Ah oui, il se marre parce qu'on n'a pas les réponses. Pablo. Je te jure qu'elle a rien, elle va insulter de pute. Alors, on va mettre les choses au clair. Si à un moment je soupçonne quelque chose, ton 4-5 avril, là, tu te mets dans le fion. Quoi? Qu'est-ce qu'il a le 4-5? 5-6, je m'en branle. Il sait ce que c'est, il m'a fait un mail. En où? la se faire opérer. Quoi? C'est valable pour toi aussi. Si tu souffles, il part pas en vacances. Non. Vas-y, vas-y. Alors là, t'aurais jamais dû dire ça. Attention. J'ai mieux. Qu'il y a, t'avais qu'à inviter. Roux se fait opérer. Allez, abrache la totale. C'est parfait. Top, je suis né le 19 février 1963 à Londres d'un père nigérian et d'une mère brésilienne qui m'ont donné à adopter. Nicolas, t'as dit un truc ? Non. Ah, ça fait bip alors. Qui m'ont donné à adopter faute de moyens. Malgré toutes ces mésaventures, je suis devenu un auteur, compositeur, interprète britannique de grand talent. Depuis 2004, je partage ma vie avec le célèbre mannequin Heidi Klum, avec qui j'ai eu 4 enfants. Anatole. Robbie Williams. Non, mauvaise réponse, Toff. Si, c'est une bonne réponse. J'ai sorti de nombreux cartons, Les Mots en duo avec Mylène Farmer ou encore I Wish en duo avec le rappeur DMX. Attention, je peux également être sourd et poilu et même. Non, mais il me déconcentre, il est en train de m'énerver. Et poilu en même temps. Mais si on me rajoute le mot si, alors je suis une religion en Italie, je suis donc s'il. Et une région, pas une religion, j'étais mal. Aucune idée. Bon. Eh ben, c'était Cile. Un point pour Joff, un point pour Nicolas. Deuxième question, vous êtes prêts ? Nicolas, sois bon. Ok. Attention. Okay. Top, je suis un animal, mais compte. Mais merde, je recommence. Sandro. Je suis un animal. Oui. Un furet ? Non. Je suis un animal, mais qui, contrairement à un mot, fait le bien, ou aucun des deux, car je ne fais ni le mal ni le bien. Bref, j'ai des cornes comme des licornes qui ont plus ou moins la forme d'une lyre. Nicolas. Non. Non pas l'ancienne monnaie italienne, mais l'instrument de musique, Sandro. Une bouche. Non. Anatole. Ça veut dire que t'as triché, que tu as mal triché. Anatole. Sandro. Anatole. Un rhinocéros. Non, Sandro. Un mouton. Un mouton. Roux. S'il a dit arrête de souffler, eh ben t'as tout gagné, il part pas. Non. Oh merde. Oh, c'est chier. Eh non, mais rigole, Pablo. Rigole. J'ai une barbiche de poils sous le menton et une odeur très forte de Nicolas. Nicolas. Un bouc, bonne réponse. Tu joues avec qui, hein? Avec toi. T'as dit la bouche. La bouche, c'est un mouton, t'as dit. Lui, t'aurais mis la même haleine que le roux, c'était pareil. Hein. De quoi, Nico? Bah, la même haleine que le roux, c'était bon. Oui, c'est vrai, effectivement. Pourquoi tu triches pas mieux, hein? Bon, toi, ça va, pour une fois que t'es pas grillé, que tu triches. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je continue. Une odeur très forte, d'où l'expression sentir le moi. En arabe, si on me rajoute, pour faire chier Pablo, nal. Qu'est-ce qui m'a fait chier, pas correctement? Bah, parce que t'as triché, je vais te le flinguer. Je suis une insulte envers le père de quelqu'un. Envoyez-moi un émissaire derrière un mot et je suis une victime dont tout le monde se moque. Je suis le mâle de la chèvre, je suis le bouc. Le main de la chèvre? Le mâle. Le mâle. Ouais. Et dernière question, vous êtes prêts? Prêts. Top, ouais. Fondé peu après 568, capitale. Oh merde, oh, il fait chier. C'était Venise. On m'a saoulé. Ça m'a saoulé, j'ai buté sur un mot là, ça m'a emmerdé. Nicolas. Bah, oui. Lire, ou vas-y. Non, c'est bon. Bah, vas-y. Ouais. Nicolas. Venise. Bah, bonne réponse. 3-0. Sandro et Anatole ont été écrasés. Écrasé par ce talent. C'était beau. Sandro. Le bouc. Non mais moi je m'en fous. Émissaire, le bouc émissaire. Toff, il a triché, tu le laisses gagner comme ça. Eux, ils ont pas arrêté de me déconcentrer pendant tout le jeu. C'est vrai. Ah ouais. Regarde, elle rigole ouais, tellement elle se rend compte. Non, Polo, il m'a déconcentré pendant tout le jeu. Il arrêtait pas de me crier. Non mais Sandro, t'es la femme, t'as rien à dire. Tu parles autrement. Oh là là, j'ai jamais entendu un truc aussi pourri ce que tu viens de dire. Ben c'est parce qu'il est jeune, Nico. Il a encore le temps de. D'apprendre à avoir du mot, ouais. Il a encore le temps de se rendre compte. Pablo, montrez-moi ça directement. C'est quoi? Bah c'est de la. C'est quand il triche. Hein, quand il envoie à Toff. Non, c'est bien. Ouais. Non, en fait. Vas-y, dis-le. C'est quoi? Il a envoyé des fausses réponses à Sandro. Il a dit. Il lui a envoyé comme réponse anal, Hulk et rhododendron. Et donc elle avait dit mytho. Ça y est, le jour sur la vie de sa mère, donc il est mort. Non, mais il rigole, les deux. Lui et Polo, ils rigolent. Laisse-les, c'est pas grave. Ouais, très bien. Bon, Nicolas, je mettrai sur mon blog les photos de que Polo m'envoie le week-end. Parfait, parce qu'on n'a pas plus l'occasion de regarder. Nous, c'est les... parfait. Nous, il ne nous les envoie pas. Hein. Ouais, il envoie qu'à moi. C'est parfait. Bon, Nicolas, c'est gagné. L'atoll, c'est perdu. Vous retournez tous les deux chez Michel au standard. Retour de questions pour une réponse demain même heure. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Et on est en retard, on attaque directement The P.O.L.O. Show. What's up guys, I'm Justin Bieber. Yeah, yeah, yeah, yeah. And you're listening to the Polo Show. Bienvenue dans le Polo Show, merci à Justin Bieber. Moi aussi je t'embrasse mon petit Justin, on va écouter un peu de pub, on se retrouve juste après. Si vous avez envie de coucher avec une fille facile et soumise, mais ne savez pas avec qui, il y a une application pour ça. E-pute e-soumise est la solution. Pour cela, c'est très simple. Entrez votre adresse dans l'iPhone et l'application se charge de trouver des jeunes filles pas farouches dans votre quartier. E-pute e-soumise, c'est uniquement sur l'iPhone. Salut à tous, c'est Shaim sur Energy et je suis dans le Polo Show. Bienvenue dans le Polo Show, on commence tout de suite. Qui est là ? Oui, c'est Aurore. C'est qui Aurore ? Tu vas pas faire ta... Bon, qu'est-ce que tu veux ? J'allais dire une petite connerie, mais bon. Qu'est-ce que tu veux, Aurore ? Bah, c'est quoi ta connerie ? Vas-y, on n'a pas le temps. Je t'aime, Polo. Oh, c'est gentil, ça, Aurore. Mais tu dois être moche pour dire ça. Non. Tu dois être habillée comme un sac. Non. Et tu ressembles à quoi ? Bah, à Velvet. À Velvet de la ferme. D'accord. Comment t'expliquer Velvet ? Enfin, Aurore, bah... Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je réponds à ta déclaration d'amour ? Non, c'est seulement pour dire... Moi, je t'aime bien, Polo. C'est bien ? Je préfère mon mec, Guillaume. Mais je m'en fous, ça, en plus, tu sais, ça ? Ouais, je sais que tu t'en fous. Mais pourquoi tu viens de me dire, Aurore ? Aurore ? Bon, elle a raccroché. Elle a raccroché. Qui est là ? Salut, Polo ! Ouais, hop ouais, là ! Salut, Polo ! Salut, qui es-tu ? C'est Jean ! Qu'est-ce que tu veux, Jean ? Ouais, je suis un humoriste nécrologique spécialisé dans les chanteurs morts. Qu'est-ce que tu veux ? Eh ben vas-y, Jean, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, ben rien, je voulais te dire, tu sais, au sujet de Jean Ferrat, là, parce qu'il est mort. Ouais. Ouais, faudrait peut-être l'appeler Jean Faisait, hein, parce que maintenant, il fera plus grand-chose, hein. Bon, Jean, t'as d'autres blagues comme ça ? J'en ai marre, ouais. Humoriste nécrologique. Bon, qu'est-ce que tu veux, j'en ai marre. Dis-moi, t'as entendu, Polo, Michael Jackson ? Non. Ah, t'as pas entendu ? Bah, faudrait aller leur ouvrir maintenant, hein. D'accord. T'en as une autre comme ça, Jean, j'en ai marre. Humoriste nécrologique. Ouais, on l'a compris, t'es en train de faire ta pub. Si, y a c'est Jérôme. Jean, ouais. C'est Jérôme. Oui. Et ben quoi ? Ah bah, c'était Jérôme. Eh ben, il est pas mort. C'est non. Con. Si, ah bah, il est mort. Ça fait un moment, Jérôme. Il est mort, hein. Ah ouais, mais c'est parce que lui, j'ai pas encore écrit la vanne pour lui, c'est pour ça. D'accord, c'est Jean Neymar. Jean Neymar, c'est ça. Il y en a ouais. D'autres ? Humoriste nécrologique spécialisé dans les chanteurs morts. Tu veux le répéter comme ça longtemps ? Philippe Nécolic des To Be Free. Ouais. Tu savais qu'il était jamais tombé malade, toi ? Non, pourquoi ? Ni diarrhée, ni colique, rien. Jamais. Ok, Jean, t'en as une autre là pour finir ? Ah ouais, j'en ai plein, ouais. Ouais. Gérard Blanc, ça suffira. Il est mort en 2009, Gérard Blanc. Ouais. Ouais, ben on aurait pu s'en douter avant, hein, parce que je le trouvais bien pâle, moi. J'en ai marre, humoriste nécrologique spécialisé dans les chanteurs morts. Merci, j'en ai marre. Ouais, salut Polo. Allez, casse-toi, qui est là ? Garde patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Pour terminer ce Polo Show, qui est là ? Ah oui, mais Polo appuie. C'est vrai. Salut, ça va ? C'est qui ? Putain, c'est Gus, quoi. C'est qui ? C'est Gus. Qui ? Gustave. Qu'est-ce que tu veux, Gus ? Oh putain, je sors du lycée à telle heure. À cette heure là, à minuit. Non, ouais, quoi, putain, je suis en cours de rattrapage. Ah ouais, bah. Pour les bouts, c'est mes parents qui m'ont mis là-dedans. Bon, qu'est-ce que tu veux, Gustave ? Oh les connards ! Les connards ! Enculé ! Gustave ! Ouais. Qu'est-ce que tu veux ? Excuse-moi, j'ai un petit peu mal à la voix là. J'ai mal à la voix. Qu'est-ce que tu veux, Gustave ? Ah, tu sais que je sors du lycée tout à l'heure. Tu sors d'où ? On m'a niqué mon scooter. Gustave ! Ouais, mais on m'a niqué mon scooter, c'est des connards. Ah bon ? Ouais, c'est des enfoirés, quoi. Qu'est-ce que tu veux ? Hein ? Non, mais je suis sûr. Je cherche un mec avec des lunettes noires carrées, une tête rasée, tu vois. Il a un peu l'accent du sud, il parle comme ça, il parle comme ça. Ouais. Tu vois, quoi. Qu'est-ce qu'il t'en veut, ce mec, ou quoi, Gus? Ouais. Arrête de parler, là, c'est énervant. Attends, qu'est-ce que je dis? On va me péter mon scooter. Bon, bah, c'est très bien. Bon, qu'est-ce que je fasse? Fais péter l'assurance. Enculé. Gustave, ouais. Dégage d'ici pour terminer ce polo show qui est là. Hey. Ah, salut monsieur, hey, ça va? Hey, polo. Ouais. Ça, ah, vous êtes un peu enroué là. Ça pousse ou pas? Ça pousse, mais on va prendre du temps pour vous, allez-y. Non, parce que si ça pousse, mec, je raccroche. Non, allez-y, oh là là. Non, il n'y a pas d'aller. Hey, tu me parles pas comme ça, polo. D'accord, vous, déjà, vous allez tous redescendre. Elle est là, la grosse? Elle est là, ouais. Elle est là. Il est là, cheveux blancs? Ouais, il est là, ouais. Il est là, l'autiste? Il est là. Pervers, il est là? Et tout le monde est là! Alors qu'ils ouvrent tous leur micro, cette bande de cons. Bah, écoute-moi bien. Quoi? Eh, polo. Eh. 11 158 fans. Non. Le président en a rêvé, le peuple l'a fait. Le président va surtout se prendre un doigt dans le cul, là. Et toi, espèce de salope, tu vas prendre une spatiale. Oh! Cette vulgarité gratuite. Le président en a rêvé, le roux va s'insérer. on prépare la petite surprise partie-camp, là. Ramène-moi ta rondelle. Polo. Oui. Alors, quand est-ce que je viens foutre un doigt dans le cul à tout le monde? En tout cas, bravo. Non. Ah, oui. Non, c'est pas ça le contrat. Le contrat, c'est vous qui devez te mettre un doigt dans le cul. Quoi? Attends, je veux demander au maître de l'émission. Il est là, Michael? Non, il est pas là. Non. Il est sur eBay? Je sais pas où il est. Ils vont à un iPhone? Voilà, ça doit être ça. Bon, alors, quoi? Quand est-ce que j'ai ma note d'accès pour pouvoir venir vous mettre un doigt dans le cul? Écoute, on va te faire passer en loose day dans le parking. Mais et tu seras là pour mettre dans le cul, bien sûr. Cela va de soi. Tu ne rentres pas. Monsieur, on va y aller, ça pousse grave. Non, hey, alors là, putain, mec, si. Si tu me fais ça, tu peux dire à l'autre grand Alain qu'il oublie mon numéro. Non. Écoute-moi bien. Alors vite. Je veux la date. Quand est-ce que je viens vous mettre un doigt dans le cul? Écoute, on vient voir l'agenda. C'est le contraire. C'est Roux qui doit te mettre un doigt dans le cul. Je pense qu'il en prend assez. Je veux un doigt dans le cul. Je veux que ça soit filmé. Ouais, je oui. veux que le pervers regarde. Je veux que Jack fasse un texto en même temps. Je veux que Ikael soit sur eBay en même temps. D'accord. Je veux que Sadra ait bouffe et qu'elle se perce des boutons. D'accord. Je veux que Pedro, il se remette sa couche. Et je veux que le nain, il fasse semblant d'écrire des promos. D'accord. Et toi, je veux devoir serrer des mains. Ah, ok, parfait. Et ça sera fait. Merci, monsieur. Au revoir. Alors, écoute-moi bien. On gère ça. Tu me trouves une date? Oui. Bah, allez vous faire enculer si c'est pas mon violet, bande de connards. Ainsi s'achève le polo show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Merci surtout à ceux qui n'écoutent pas. Car tous les soirs, je suis dernier. Et bientôt, le doigt dans le cul. Exactement. Et ça, on vous tient au courant. Et on revient demain, nous, à partir de 21h, avec ceux qui seront bientôt avec nous en direct dans l'émission Airborne avec Running Wild. On écoute ça maintenant. Vous pouvez déjà poser vos questions. Ce sera vers la fin du mois de mars, début avril, qu'on les recevra dans l'émission Airborne Running Wild. Rencard demain, 21h. Ciao tout le monde.